Pardon ? Ah, quelle idée de faire ça en même temps, je crois. C'est l'habitude de faire les choses avec les cacahuètes. Eh ben c'est bien, on en apprend beaucoup. On a dit dans cette saison, on voulait beaucoup ouais, en apprendre. Ouais, c'est ça, sur dévoiler nous. Sur nous. Sur... C'est important. On est parti ? À retenir. On est parti ? Parti ? Okay, très bien. Bon, bah, bienvenue dans l'épisode 4 de cette saison 2. Ouais, bah non. Non, tu t'en fous. Moi, je m'en fous. D'accord. Je fais à l'arrache. Ah, t'es parti, là ? Ouais. Bah, ça commence toujours comme ça. Donc, ouais, ouais, mais c'est la blague, en fait. À mon avis, là, on le pourrit bien, le truc. Voilà. Nickel. Et vu que je t'ai dit qu'il fallait le refaire, donc tu vas le refaire ? Non, pas du tout. Ah, moi, je laisse tout à l'arrache. Hein, on ne cut jamais. On évite, parce que déjà, si je crois que t'as cuté une fois. Dans la saison 1. C'était vraiment, parce que là. Il y a eu, ouais, il y a eu tout un truc de dit. Non, on a trop balancé, puis on a vu, on allait avoir des problèmes avec la justice, tout ça. Donc. Dès qu'on est un peu limite, on est un peu à nos vies aussi, quoi. Sûr. C'est ça, on a trop dit. C'est comme si un peu on avait craché sur le Hellfest et Ben Barbo, et là on avait. On va trop loin. Donc cette semaine, on avons le plaisir d'avoir non pas un, mais non, deux invités. Ah, si. Deux. On en a deux. Non, mais c'est bien. C'est ça. On a donc le retour de Richard, qui apparemment a bien aimé et est revenu. Il y a de la bière, donc je veux bien. C'est ça. Et des cavettes. Et des bonbons, des cacahuètes. Et un autre membre de Génome, à savoir Étienne, qui est batteur, je crois. Batteur, oui, de Génome. Donc tout à fait, Génome, toujours groupe de folklore normand, c'est ce qu'on a dit. C'est ça, voilà. Oui. C'est ouais, ça, folklore métal normand. Métal, voilà, c'est ça. Donc on va en parler un peu plus tout à l'heure de, je sais pas si on peut appeler ça un groupe, mais enfin on verra, mais oui. On est un bon groupe. Mais avant, on a quand même quelques news qui en plus font écho à l'émission de la semaine dernière. C'est pour ça que je les ai choisis. Mais toi, je suppose, Bob, tu as aussi quelques news de ton côté. Plein, regarde, on a deux sous-bocs Quack, super beau. On remercie notre sponsor Quack pour ces sous-bocs. Non, donc une grosse news du Hellfest sortie hier, hein, à savoir, ils ont sorti un t-shirt. Oui, grosse news. Avec voilà. Michael Myers. grosse news. Grosse news. Avec l'effigie de Michael Myers, voilà, pour Halloween, à 60 attention, exemplaires. Ouais. Voilà. On aurait pu espérer une affiche. Je veux dire, le 31. Ils se sont écoulés. Bah non, il en avait encore. Ah, c'est marrant ça. Là, il en reste encore. C'est le seul truc qui reste. Là, il en reste encore tout à l'heure quand j'ai regardé. Donc, ouais. J'espérais, je m'étais dit, il y aurait peut-être un peu de news sur l'affiche quand même, parce que bon, ça irait avec leur thématique de cette année, genre film d'horreur et compagnie. D'autant que d'autres festivals ont déjà balancé avec le film, une bonne affiche. Donc là, bah non, on n'avait pas... Non, on n'a rien. Mais voilà. C'est prévu en général, hein, c'est octobre, les passes, c'est novembre... Et ben, tu vois, Facebook m'a annoncé qu'il y a 2 ans, j'ai balancé l'affiche de... J'ai partagé en fait l'affiche qui était sortie. Donc elle était sortie déjà, il y a 2 ans. D'accord. Ouais, je suis comme ça. Moi. Ah ouais. Il doit attendre Metallica. Non, je pense pas. Metallica déjà vient d'annoncer qu'ils faisaient aucun festival. Ouais, je crois qu'ils faisaient le download. Ouais, ils faisaient le download, c'était prévu. Non. Non, ils font pas. Ils ont annulé leur tournée festival. Carrément. Ouais. Ah ouais. D'accord. Toutes leurs dates. Donc, à mon avis, toutes les dates c'était avec Love Nation. Ouais. Donc, peut-être. Tu crois qu'il y aurait un bis-bise ? Ah, ça on ne sait jamais, ça peut être malin. Ils font la première partie de. Ça peut être malin. De. Fear Factory. Non. Pas de Fear Factory, de. de Machine Head. Ah, peut-être pour la blague. Ah, oui, bah non. Moi, ils ont aussi annoncé un Stade de France en 2019. Oui, je crois. Non, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas. Je ne sais pas si j'irai. 34. Parce que les revoir en stade, c'est pas. Moi, je pense que c'est au pot de terrible. Bah, je les avais vus. Stade de France, en plus, c'est pas spécialement. Bah, c'est pas le meilleur. Bien, niveau. Pas non, c'est pas ouf. Et puis, franchement, c'était tellement bien là, à l'Hôtel Accor Arena, que j'ai pas forcément envie de gâcher ce souvenir. Voilà, petit moment de nostalgie. Oh. Sinon, on en parlait la semaine dernière. Avatar a sorti plein de news sur leur nouvel album, dont un single. Un clip aussi. Oui, un clip aussi, tout à fait. D'ailleurs, on peut déjà noter que quand on écoute le single, la prod a un peu changé. Le son de gratte est un peu différent. Et que toutes les chansons ont le mot King dedans. Un album concept, sûrement. J'irai pas beaucoup plus loin. Et qu'en plus, il y a une jolie tournée française. Avec pas moins de 6 dates. Mais ils passent pas dans le coin. Bah, ils passent quand même à Paris. Ils font à Lille, Reims, Nîmes, Cognac et Villeurbanne. Mais voilà, moi, ils seront à Paris le 14 mars, pour ceux qui veulent. Et si vous venez de notre part, vous n'aurez aucune réduction. Voilà. Comme dirait l'autre, on a le choix dans la date. C'est ça, on a complètement le choix. Et si t'aimes bien voyager, bah, tu peux... Voyager. Voilà, tu peux complètement faire ça. T'as le droit. À savoir, autre news dont on parlait, mais pas tout à fait la semaine dernière, à savoir qu'on a parlé de Joey Jordison et son groupe Sin Seferinum. Mais exact. Il fait aussi partie d'un autre groupe qui s'appelle Vimic. Vimic, oui. Que j'ai à peine écouté, parce qu'ils ont sorti une... Ça m'a fait beaucoup rire. Ils ont sorti le morceau le passage dans la chanson où Dave Mustaine fait son solo. Donc t'as juste l'extrait, genre sur Spotify, tu peux juste écouter le solo de Dave Mustaine sur la chanson. Je dis, bah quand même, c'est moche. Sinon, ça avait l'air bien, le solo est propre, Dave a assuré, et pour le groupe en lui-même, bah moi j'ai pas écouté. Donc bah, il a pas chanté déjà. Déjà, et oui. Ça sauve l'enregistrement. Je sais pas si vous avez écouté Vimic, vous. Très rapidement. Et t'as... J'ai vu ça il y a deux jours. Pas du tout accroché. J'ai oublié de te demander sur la news d'avant, mais Avatar, t'aimes bien? J'ai pas écouté. D'accord. Aucun, zéro, rien, nul, je sais pas. Zéro, pas du tout. D'accord, très bien, ça arrive. J'en connais d'autres. Sinon, Cocorico. C'est pas faux. Mario Duplantier a été élu meilleur drummer 2017 par Loadblast, le site. Salut, alors bon bah c'est Mario pour Mario. Vous, donc ce que quand même pas mal, mais c'est pas la première fois je crois, hein. Ouais, mais bon, pour cette année si. Il y avait pas Metal Hammer ou un truc comme ça qu'il avait élu aussi. Et moi j'ai vu que cette news là passer, donc t'as des news? Non mais écoute, ça va, calme, c'est vrai. Oui, ça va, c'est pas un mauvais batteur. Il était face à lui, il y avait Bram Dellor de Mastodon. Très bien. Oh, on va faire le quiz, cool. Vinnie Paul de Pantera. Hell yeah. Ouais, les deux en vont. Charlie Benant. Anthrax. Anthrax, ouais. Très très bon. Matt Greener de August Burns Red. Oh putain, bah, j'aurais pas. Tiens, t'écoutes ça, t'as bien. Je connais les noms des batteurs. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et Thomas Hack. Hack. De. Il est en free. Non, Thomas Hack. Meshuga. Non, Meshuga. Voilà, donc c'est Mario qui les a tous défoncés parce qu'il a un petit joli jeu de baguette. C'est important à signaler. Autre news. Putain, cette semaine, c'est un gros truc. On peut remercier Arte d'avoir fait une soirée métal vendredi dernier. C'était sympathique. C'était très bien. Mais... C'était quoi? Attends, je vais le dire. Il y avait un premier docu, Personne ne bouge, hard rock. Qui parlait, je sais pas, je l'ai pas vu. C'était assez rapide, un peu hard rock, 20 minutes, je crois. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était sympa. Typique Arte, ouais. Ouais, d'accord. Avec des petites animations, des petites façons assez ludiques d'apprendre un peu ce qu'est le métal. D'accord. Après, il y avait un docu, c'était Dieu, Diable et Rock'n'Roll. Là, j'ai regardé, j'ai trouvé ça vachement basé quand même sur la religion chrétienne et catholique. Ouais. Très très poussé sur le côté les gens, enfin tous les métalleux qui vont, c'était comparatif, qui reviennent avec le chanteur des Garçons Bouchers était à la fin, énormément de choses. Okay. Très en fait, il y avait pas le comparatif, a été plutôt vite fait, vraiment très très basé plus sur le côté ils sont revenus vers la religion. Ah oui, et d'accord. Pas sur le côté et puis les catholiques qui se mettent aussi au métal et voilà. Ah oui, d'accord. En fait, c'est comparaison à l'époque dans les années 50, 60, ils parlaient que le rock et le hard rock c'était le blasphème de. D'accord. Oui. Ça parle en fait de la scission qu'il y a eu entre le monde et le métal, et maintenant ils montrent que le métal redevient dans le monde. C'est exactement ça. Non, c'est que le monde vient dans le métal. Oui, voilà, non mais ça se relie, quoi, ça se rassemble. Ça n'a absolument rien avec la religion. D'accord. Bah non. Très très bien. Mais c'est dans, je suis pas sûr, mais c'est dans celui-là qu'il y a une interview de Ben Barbo, je crois. Oui, il intervient. D'accord, c'est pas une interview, c'est plus il intervient comme tous les membres de. D'accord. De l'émission. Mais c'était quand même un bon docu ou pas? Ah oui, c'était intéressant. Ouais, ça a été, ouais, mais c'est court. Ouais. Et je suis vraiment basé plus sur le côté. ils ont parlé vite fait du black metal. Non, ils ont pas été plus loin, ils sont restés. C'est un peu sataniste et tout ça. Mais après, ils sont pas restés là-dessus, ils en ont parlé 2 minutes et. Le reste, c'est ils sont restés sur. Bah, moi, j'ai commencé à regarder, ça a commencé par un groupe de métal chrétien, je crois. Enfin, de rock. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça. En Allemagne, c'est. Là, j'ai fait. Oh. En gros, ils montrent moins de cul que Le Quotidien ou Le Petit Journal. Ah, bon. Ouais, voilà. C'est ça. Et bah, c'est pas plus mal déjà, hein. Ouais. On part sur une moins bonne. C'est vrai qu'il y a un cul de métalleux, c'est pas normal. Et donc, suivi ensuite du fameux concert de Rammstein, Live in Paris. Rammstein, nouveau groupe de Rammstein, donc de Live in Paris, qui est sorti cette année. Qui a été réalisé par Jonas Åkerlund, qui est quand même le batteur de. Jonas Åkerlund, aucune idée. De Bathory. D'accord. Et oui, c'est le premier batteur de Bathory avant de se lancer dans la réalisation, et depuis il a reçu même plein de Grammy Awards pour des clips de Madonna et compagnie. Oui. Donc c'est un concert. Vous l'avez regardé le concert? Oui. Tu l'as regardé? Ouais. Pas du tout. J'ai eu mal aux yeux. Moi aussi. Moi j'ai fait des tremblements et j'ai bavé pareil. Franchement, les images sont magnifiques, les plans sont top. T'as des ralentis de dingue, mais j'ai trouvé que le montage était beaucoup trop épileptique. Et que qu'à plein de moments, en fait, bah, tu perdais complètement ce qui se passait sur scène parce que ça enchaînait tellement d'images. Ouais. Et comme il mélangeait en plus avec des ralentis, mais beaucoup trop longs, en fait, je trouve que le montage est... avec des mélanges d'images, des trucs qu'on dû être faits ouais, des inserts, ouais, des trucs d'inserts qui ont été faits. Et des effets aussi très... Et je crois qu'ils ont dû mettre genre peut-être 3 ans pour le monter, ce truc-là, quand même. Ah oui, quand même. Et franchement, le résultat, autant tu vois que le concert en lui-même est top. C'est, en plus, c'est vraiment un best-of de tout ce qu'a fait Rammstein, de tous les passages cultes qu'ils ont l'habitude de faire, avec le mec dans le chaudron, mais avec de toute façon, je pense que Rammstein, c'est vraiment... Et tout, vraiment tout, c'est vraiment un groupe qu'il faut voir en salle, je pense. Je pense aussi, ouais. C'est pas en plein air. Mais là, c'était justement, vraiment, la configuration était complètement dingue. Même s'il y a des trucs que je comprends toujours pas. J'ai bien aimé la fin du concert, en plein milieu, là. Ouais, sur la petite scène et tout ça. Ouais, cool, mais tu vois, autant ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai vu ça. Autant je capte pas, enfin après, ça c'est perso, mais je capte pas le délire quand ils sont à quatre pattes et qu'ils se font fouetter pour avancer. Parce que la musique, là, c'est la musique de Bug Dish. Oui, mais ça me... C'est une musique de soumission et compagnie. C'est ça, mais moi, ça me perd, en fait. Ou non, je fais quand même... Quand tu vois Till qui est par terre à quatre pattes, le batteur se met un malin plaisir de bien les taper, quoi. Ouais, grave, mais c'est non mais après c'est fait pour ça, un batteur, de toute façon ça tape, hein. En même temps, ça tape. Tu demandes de taper, tu tapes, hein. C'est ça, et le mec est complètement dedans. Donc c'était un super concert, mais je suis pas fan du montage et je trouve ça dommage que ça fait vraiment sortir du concert des fois de temps en temps. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Richard, si le montage t'a gêné. Des fois je trouve qu'il y en avait un peu de trop dans le montage. Montage vidéo, quand même, précisé. C'est vrai. Et après, derrière ça, il y avait un reportage sur les 10 ans du Hellfest. Ah, je l'ai pas vu. Il était un petit peu après, en fait. Moi, je l'ai vu le lendemain. Et en fait, j'ai trouvé ça pas intéressant. Dans le sens où je pensais que ça allait être un truc qui faisait justement, qui revenait sur les 10 années du Hellfest. En fait, non, c'est quelque chose qui se consacre sur la 10e année avec des interviews des groupes qui sont là et des petites. Genre, t'as comme des mini-cours de batterie ou des cours de guitare. Le mec, il pas la chanteuse Arkenmi qui parle. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu il y a quelques années. Ouais, mais c'est pas. C'est pas terrible, en fait, comme truc. Ça apporte rien. Et je pensais plus que ça allait être une rétrospective sur les 10 ans. Ce qui aurait été plus intéressant, du coup. Ils auraient dû me demander. Les mecs sont timides, ils osent. Bah, c'est ça. Voilà. Sinon, j'ai encore deux grosses news. Petite news, juste pour la démarche. Ils ont fait un concert ce samedi à Los Angeles en hommage à Chester, qui nous a quittés cet été. Lampwick. Non, Bennington. Non. Qui ça? Le chanteur de Linkin Park. Chanteur de Linkin Park. Ah ouais, je m'intéresse pas au... Non, bah, c'est la news qui a popé. Moi, les news qui pop, je les prends. Et en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des membres d'Avenged Sevenfold, de Korn et tout ça, qui sont venus tous, et de System of a Down, chanter des chansons, machin. Et Trium, ils sont pas allés... Que du beau monde. Mais non, que parce qu'ils étaient en train de tourner, sûrement, parce qu'ils préparent leur répétition. Ils cherchent la merde. Non, mais c'est comme c'est ça quand on n'a pas trop d'arguments. Et sinon, Five Finger Death Punch a sorti une nouvelle chanson. Qui fera partie des deux inédits de la compile qui vont sortir en fin d'année. Et apparemment, la chanson parle principalement des problèmes qu'a eu le chanteur cette année, qui l'ont fait quitter le groupe et revenir. Voilà, donc c'est avec le chanteur qui est parti, qui est revenu. Il est revenu, c'est avec Ivan Moody. Il est revenu, il est reparti. Non, mais là, il est là. D'accord. Il a bien chanté sur la chanson. C'est lui qui avait chanté, ouais. Jusqu'à ce qu'il reparte. Jusqu'à ce qu'il reparte, voilà. Sinon, pour venir. Et en fait, c'était quoi ses problèmes? D'alcool, de drogue, de pas bien dans sa tête. Parce qu'il est fatigué. Rocker, quoi. Oui, voilà, mais bon. Classique, quoi. Oui, rien. Ils sont fragiles, quand même, les méthodes. C'est comme ça qu'on les appelle, hein. C'est fragile. Petite santé. Hein. C'est ça, mais c'est le problème de l'alcool, en fait. Parce qu'en fait, ils en boivent, et puis au bout d'un moment, les mecs pètent des gens. Enfin, ça fait des années que j'en bois. Mais tu t'es pas bien regardé. Je quitte pas le groupe pour autant. C'est vrai, pas encore. Pas encore. Des fois, ils donnent plus de nouvelles, je sais pas, il y a un podcast et tout. Oui, c'est ça. Des grosses soirées, ça. Des grosses soirées, voilà, c'est ça. Sinon, donc la semaine dernière, il y a eu, trois concerts dans la région, dont on a parlé déjà dans la semaine dernière. Il y a eu le concert au Bazar de Saint-Lô de Missing Mile et de Cities of Mars. Ouh, j'ai vu Richard. Par hasard. Qui était plutôt sympa, je sais pas ce que t'en as pensé. Richard était sympa. Bien surpris de City of Mars, ouais, moi aussi, hein, pour du Doom, franchement. C'était un peu plus rapide que du Doom, voilà. Ouais, mais c'était quand même bien planant dans l'esprit, vraiment. Ouais. Mais c'était. Ça peut être un groupe qu'on pourrait voir en motoculteur facilement. Je pense, ouais. Non, c'était vraiment sympa. Pardon, je la refais, sous la vallée. Ah ouais, mais au Hellfest alors. J'ai dit motocule. Oui, non, mais c'est ce que. Oui, enfin, ou sous la vallée. Enfin, c'était un peu l'idée, quoi. Ah, ou sous la vallée, au Hellfest, d'accord. Bah, est-ce que. Parce que... Road to Hellfest. Oui. Bah, on parle du Hellfest, oui, c'est ça que tu veux dire? Bah ouais, non, je veux dire, après... Oui, on peut parler de... Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas. Mais non, mais c'était pas clair dans ce que t'avais dit, on aurait dit... Ouais, c'est ce que j'ai dit, ou sous la vallée, mais le truc, c'est que je vais... Ah, donc on n'a pas eu... On n'a pas eu... C'est la cavette, elle a bloqué. Donc, très très bonne découverte que ce Cities of Mars. Missing Mile, bah, ils ont assuré, mais... C'était vachement court, j'ai trouvé, parce que moi, je suis arrivé un peu après 22h et ils ont attaqué vraiment à l'heure pour une fois. Et... Mmh. Ouais, ça va. Donc du coup, voilà, j'ai raté. Sinon, il y a eu le concert de Nostromo samedi soir. Là, j'ai aucune news dessus, savoir si c'était bien ou pas. Je pense que ça a déboîté, que ça a été violent, que ça s'est tapé dessus. Voilà, je pense que... Peut-être. Mais est-ce qu'ils ont eu beaucoup de monde ou pas? Je sais pas du tout. J'ai vu les photos par Explicit Silence, mais ouais, apparemment, ils ont passé une bonne soirée, ouais. D'accord. Et sinon, il y a eu donc le Conquérant Metal Fest. Avec comme ouverture le samedi après-midi un petit groupe de la région. De merde. Avec un batteur de merde. Dead Blast. Ou ouais. Justement, Etienne, il t'arrive de jouer de temps en temps. Voilà, ouais, je faisais dépanner. Très en urgence, en fait. Ils m'ont appelé le mardi pour les dépanner le samedi. Mm-hmm. Donc on y va. Donc, je tenais le. Ça fait à peu près un an que je travaille avec eux. Donc je les dépanne pour des concerts. Là, ça fait... C'était le troisième concert que j'ai fait avec eux. Très bien, super scène, super son, pas grand monde, allez, on avait quoi, une soixantaine de personnes, c'est normal. C'est l'ouverture, normal, pour une ouverture, ça c'est ce qu'on veut. Et vraiment une bonne structure, un super accueil, la famille est super sympa, vraiment, vraiment bien quoi. J'ai croisé Stéphane Buriez de Loudblast, bon, à peine le temps de se dire bonjour quoi, ouais, un peu dans le rush. Et j'ai pas pu rester... Parce que ma petite femme m'a fait la surprise de venir me voir avec les enfants, donc j'aurais pas imposé non plus de rester. Parce qu'ils n'avaient pas de bouchon d'oreille. De rester toute la journée. si, ils avaient les casques, mais j'aurais pas leur imposé de rester jusqu'à l'autre place. Quoi. Oh bah. C'est dommage. Bah quand même. Mais du coup, as-tu un retour de, je sais pas, du reste du groupe sur le reste du festival, s'ils sont restés ou pas? Ben non, en fait. Personne n'est resté, en fait. Tout le monde s'est barré. Si, ils sont restés, mais j'ai pas demandé. De retour, si, d'accord. Apparemment, c'était très bien. Bah, j'ai vu des photos de l'autre blast, tout ça, des autres groupes. Apparemment, c'était très bien. Ouais. Moi, j'ai eu peu de retours de ce que j'ai vu, donc je sais pas. Je suppose que c'était très bien parce que ça avait l'air. Il y avait pas mal de vieux groupes, hein, Aggressor, Crusher, l'autre blast. Il y avait Winfield, je crois. Hein. Winfield, c'était le dimanche. Ouais, ils étaient là quand même. Mmh. Des amis à vous. Bon, on leur passe un petit bonjour. Tu vois, c'est chacun son tour. Pouette. Le samedi, ils étaient au Saint-Sauveur du Rock. Ouais, c'est vrai. Ah, mais il y avait ça aussi, et j'ai pas aimé. Ils jouent dans Nine Million Witches. Apparemment, ils avaient pas grand monde, je crois. Ah bon, Saint-Sauveur? Bah, ils étaient complets. Nine Million. Ah bah oui, parce million. Que tout le monde s'est barré après. Ouais. Après la full beat. Ouais. Oui, c'est vrai que tu étais là-bas, Richard, toi. Ah, ils ont eu du... Ah si, ils ont quand même du monde. Ils avaient au moins, je sais pas, la salle fait au moins 1000 personnes. Ils avaient au moins peut-être 400 personnes, quand même. Attends, juste avant, pour revenir sur les Conquérants, moi, le seul truc que j'ai vu, c'est une chronique qui disait à quel point, justement, tu avais assuré en tant que batteur. Non, ça suffit. Bah écoute, ça a été dit. J'aurais aimé dire, c'est pas le cas, mais je sais pas entendu. Mais ça a été dit, ça a été plaisir, marqué, ouais. Donc voilà. Donc, Comment il feuillote, les gars? Mais non, mais c'est, non, ça a été dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ça, quelqu'un d'autre. Ça fait plaisir, c'est... Écoute, moi je suis c'est le résultat d'un travail acharné. Voilà, c'est ça, d'un mec qui n'a jamais lâché. Quelques heures par semaine. Ouais. Mm-hmm. Bon, en tout cas, c'était un bon fest. Le peu que tu as vu, ça t'a donné envie d'y revenir. Un bon fest, ouais. Une bonne. De voir comment ça se passe, quoi, en tant que musicien, de voir comment ça se passe. C'était la première fois que je jouais sur un festival comme ça, de cette envergure-là. C'est vrai que c'est un petit truc qui a monté assez vite quand même. Ouais. Parce que deux éditions. Super accueil. Super accueil. Allez, juste la petite critique, ça manque un peu d'affichage. Ouais, je me suis perdu dans Saint-André pour trouver la salle. Ah oui, ça, oui. Ça manque un peu d'affichage, mais sinon, ouais, vraiment, vraiment bien accueilli. Tout est là. D'accord. Vraiment. Très cool. Super. Bon, on va faire un petit passage du coup au Saint-Sauveur du Rock, même s'il n'y avait pas vraiment l'affiche, moi, elle m'a pas emballé. Toi non plus. Voilà, toi, tu as été en tant que bénévole? Non, parce qu'on m'a invité. C'est par là. On m'a invité au VIP. Donc ouais. Je dis pas oui. Et donc, c'était bien ce que tu as vu ou pas? Ah bah, les bouteilles de vin, oui, très bien. Très très bien, d'accord. Non, mais la musique, non. Non, très bien, de toute façon. Tu voulais plus rien. Ça reste du rock, hein, donc. Luc, surpris, bah après c'est du Nord-Désir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un mélange de Noir Death avec du... Comment il s'appelle l'autre? Est-ce qu'on pourrait... 16. C'est un mélange entre deux. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un... Du Noir-Désir, mais dépressif. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu un groupe sans âme? que moi quand j'écoute Luc, j'ai l'impression qu'il y a... En live, c'est des bons musicaux. Ça. Ouais, d'accord. Ça envoie quand même. Ok. Très bien. MR Footbeat aussi, ça envoie bien. Puis plus ça va dans leur concert, plus ça vient de rock, bien péchu, donc c'est sympa. Très bon musicaux ça aussi. Et Laura Cox? Bah, j'avais déjà vu à Saint-Lô, là j'ai raté Laura Cox. Mais après, elle a picolé un peu au VIP, tout ça, avec ses musicos. Eux, au moins, ils ont bien profité du VIP. Ça, c'est bien de voir du musicos comme ça. Les mecs, ils viennent profiter. Ils picolent. C'est des rockers. D'accord. Voilà. Enfin, tu notes qu'apparemment, ils rockers, ça pas. Se limite à picoler. En gros, ils se mélangent avec les autres personnes. Picoler, c'est ils des rockers. Ils se répètent pas, ils se prennent pas le melon. Et c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Ou quand t'es rocker, tu peux faire un peu un podcast, des fois. Mais tu picoles aussi, ça revient. Bon, bah voilà, principalement pour les news et un peu tout ce qui s'est passé. Sauf si vous avez... Oh, putain, mais on a complètement oublié de dire un truc. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oh, la vache. Bah ouais, mais j'ai complètement zappé. Une heure et demie, c'est comme ça. Ouais, ça va. Bah toi, oui, t'as fait un super concert, donc ça devait aller. Enfin, ouais, banal, quoi, semaine banale. Ça va, toi, t'as fait un festival et un concert, donc ça devait aller. Ah oui. Banal. Parfait, banal. Banane. C'est comme tous les jours. Bano. C'est vrai. Bob, toi, t'avais en vacances avec les enfants. Ouais, banane. Banane, très très bien. Moi, j'ai été voir Mickey, c'était sympa aussi. On s'en fout. Ouais, on s'en fout, hein. J'ai vu une comédie musicale avec Mikey. Parce qu'il appelle Mikey en vrai. C'était pas ouf, hein. j'ai pas trouvé ça. C'était ouf. Pas ma house. Non, c'était pas ma house, non, pour le coup. Non, bah, ma fille a adoré, elle a dit j'ai trouvé ça génial. Pas moi. Bon, voilà. Du coup, on va revenir un peu sur le concept un peu du podcast de base et un peu de près du Hellfest. Donc, la semaine dernière, Richard nous a raconté en long, en large et en travers son passage au Hellfest. Enfin, ses passages. Donc, du coup, Étienne, cette semaine, c'est un peu à toi d'en parler. Oui. Donc, combien d'éditions as-tu fait? Une seule. Dis donc, c'est un peu. 2009, ouais. Est-ce que c'était 2009, c'est une bonne édition, les gars? Je ne sais. Oui, bonne. Ah, moi, je suis allé les mêmes jours. C'était la première fois qu'on y allait, de toute façon. Ouais. Et ouais, mortel. Vous avez fait les 3 jours cette année-là? Non, le samedi. Non, on est juste allé au Hellfest, on n'a pas fait le samedi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et en groupe, ouais. C'est différent, c'est honnête. Ah oui, soit tu fais le Hellfest, soit tu passes. Tu passes devant, tu t'arrêtes. En groupe, j'ai halluciné, moi, pour cette édition-là. Dagoba, Gojira, Devil Driver, Machinehead, Cradle of Filth, Machinehead. Il y avait deux fois Machinehead. Machinehead. 3x10 Soulfly. Soulfly, ouais. Il y avait Soulfly. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment joué des chansons de Soulfly? Ouais, en plus. Pour les avoir vus en 2004 au Fury Fest, ouais. C'était la bonne idée. Il y avait Marilyn Manson, je crois, dans cette soirée-là. Ouais, on est parti avant. C'est dommage, bien. Vous auriez pu nous raconter. Non, on a vraiment... De toute façon, Marilyn Manson, il fait 10 minutes de concert et le reste, il est toujours parti. Oui, c'est ça. Et puis il insulte le public. Parce que... Voilà. Enfin, maintenant, il insulte un peu moins, maintenant qu'il s'est fait une fracture. Ouais, c'est clair. Ça lui apprendra. On s'est arrêté à Machinehead. Il y avait Vador aussi. Ouais, il y avait Vador. Putain, non, je fais pas. Vader. Vader. C'est pas trop dark. Là, je voyais. Ah, je me suis dit, fallait quelqu'un à la face. C'est une très bonne édition. J'ai vraiment été bluffé. Et donc, 2009, on est en 2017. Pourquoi donc n'es-tu pas retourné depuis? Plein de raisons. Plein de raisons. Tu veux pas nous voir déjà? Raisons financières. Et puis, ouais. C'est une bonne raison. c'est la même. Écoutez ce que vous avez dit la semaine dernière, ouais, les proportions un peu que ça prend. Ouais. Ah bah c'est un truc de ouf. Moi j'étais pas en 2009, donc je peux pas me rendre compte. Mais non, mais par exemple, toi en tant qu'amateur de métal, est-ce que l'affiche pourrait être décidée, par exemple, vu que maintenant t'es obligé d'acheter. Tout à fait, moi je veux avoir l'affiche avant d'acheter ma place. Et donc maintenant, si l'affiche elle sort et qu'elle dit ouais, elle est dingue, est-ce que tu serais capable de prendre une place qu'ils vont remettre en vente, c'est sûr? Si vraiment il y a une journée qui déchire, ouais, je prendrais une journée. Tu ne vas pas faire 3 jours? Non, je me vois pas faire les 3 jours. Trop vieux, et puis j'ai une vie de famille. Hein, c'est ça. Je me vois pas partir 3 jours, on se partage tout, on travaille tous les deux, on se partage tout. Et... Tu lui donnes 3 jours à un autre. Je me vois pas partir 3 jours. Ouais, c'est ce que je fais. Hein. Je dis, ah bah tu prendras 3 jours. Mais j'irai nulle part pour 3 jours. Et bah c'est ton choix. Voilà. Moi, tu peux le faire si tu veux. Tu veux pas le faire. C'est pas mon problème. Bah, écoute, hein, t'es libre, t'es grande. Voilà. Non, mais du coup, donc tu pourrais quand même y retourner. En fait, c'est pas genre. Il faut que ça m'intéresse. Voilà. Je vais t'intéresser. Après, l'idéal, c'est d'y aller le vendredi quand même. Parce que l'avantage, t'as la soirée du jeudi soir. Ouais. Et il faut faire gaffe, par contre, ne pas commencer trop fort le jeudi soir. Il y en a qui ça arrive. Non, c'est pas possible. Si, il y en a qui ça arrive, non, ils se gâchent un peu. Le... Se gâche un peu le... Ça, t'es pas chier, mais je parle. Il faut que ça reste un festival de musique, puisque j'entends beaucoup parler des beuveries sur le camping, mais j'entends moins parler des groupes, en fait. C'est pas le motocultore. De moins en moins parler des groupes. Alors, c'est faux ce que tu dis, parce que nous, on fait que de ça d'en parler des groupes. Ah, et on parle même peut-être presque plus du public que des groupes. C'est bien. Bah non, pour le coup, c'était ça qui était moins bien. Mais tiens, merci. Merci. Parce que Bob a pas trop aimé le public de cette année. Non. Et de l'année dernière. Ouais, t'en parlais la semaine dernière pour les curieux qui viennent aux zoos, quoi. C'est ça un peu, ouais. C'est exactement ça. Tout à fait, tu as très très bien résumé. Et ça peut gâcher un peu le côté fan de métal quand on est fan de métal. De puriste, c'est ça. Ouais, mais j'aime bien les guenons qui viennent là-bas. Ils viennent là-bas. Ouais. C'est après, ils font voir leur sein, tout ça, c'est marrant. Oui, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, hein, du top. Ouais, ouais, style panthère. Putain de show qu'ils ont fait quand même. Et je les ai vus dans le coin presse juste avant. Je les ai vus de près, ils font extrêmement peur. Physiquement, ils sont... C'est vraiment, j'ai vraiment... Ils sont malsains. J'ai fait, waouh ! Ils sont ravagés. Ah non, mais ils ont vraiment fait plein d'opérations. Parce que, je veux dire, ce que tu vois en photo, tu dis, ok, ils sont fait refaire la gueule. Mais quand tu le vois en vrai, tu dis, oh, ça bouge pas. Hein. C'est tiré à mort, c'est impressionnant. En fait, ils l'ont peut-être fait eux-mêmes. Bah, tu sais, en coulisses, vas-y, tire dessus. Ok. Regardez s'il avait des épingles derrière. Non, mais ça fait vraiment peur. Moi, ça m'avait effrayé. Tu les as vus où, toi ? Dans le coin presse, en fait, à côté du coin VIP. Pas rentrer, moi. Bon, si, tu pouvais. Non, c'était interdit. Il faut avoir la carte presse pour entrer dans le coin presse. Ah bon ? VIP. J'ai jamais montré ma carte presse, moi. Tu ne m'en as pas ? Allez, oh. On a demandé, on est... En même temps, fais gaffe. Tu... Non, mais j'étais un média. J'avais une accrède. Ouais, mais t'avais pas la carte presse. mais si, j'avais la. Bah, bien sûr que si, je l'avais le truc presse. Tu l'as même là. J'ai regardé, elle est là. Même montré. Ah oui, elle est là, regarde, ça, tu vois, elle est là. Oui, regarde, c'est marqué quoi ? Quack dessus. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour pour le Hellfest. Du coup, on va peut-être s'attaquer à votre petit groupe. Allez, donc, bah, commencez par nous en parler un petit peu. Faites-nous un peu l'historique du groupe, parce que nous, on n'était pas au début, ça remonte très loin, ça remonte. Oui, d'ailleurs, une question qu'on m'a posée une fois. Ça se dit génome ou gnome ? Génome. Génome. Parce que comme vous mettez un gnome, on me l'a dit, hein, vraiment, on m'a vraiment dit. Mais et les gnomes, on fait pas le S à la fin. Ah bon ? Génome. Génome, d'accord. C'est que ça, y a un jeu de mots peut-être ? Avec le génome, d'accord, très bien. On va y venir. très bien. Allez-y. Ça remonte à très loin, l'idée a germé. J'étais au collège, je crois. Avec donc, moi j'étais pas né. Ouais, toi tu étais un peu dans tes couches. C'est ça. Avec Yvan, le guitariste et. Le guitariste. Vous êtes combien ? Vous êtes 5 membres ? 5, ouais. Il y a un guitariste soliste, 2 guitaristes solistes ? 2 guitaristes, voilà, qui se partagent les solos. D'accord. Un bassiste, un batteur et un chanteur. D'accord. Voilà. 5. Et donc l'idée a germé quand Johan s'est mis à la guitare, donc vers 13-14 ans, son frère faisait de la batterie, bah tiens, on va monter un groupe. Ouais. C'est simple. Oui, c'est vrai que c'est la base. C'est simple. Romain traînait avec Guillaume, qui est maintenant au chant, mais qui voulait participer aussi, donc on lui avait dit de prendre la basse, et Romain la guitare. Et c'est parti. Donc on a dû faire une répète en 2 ans. Oui, quand même, grosse motive. Ouais, grosse motive. C'est pas mal. C'est mieux que nous. On s'est vraiment décidé, aller en 96, un truc comme ça. J'ai pris la place de la batterie, puisque le frère de Johan n'était pas assez là. Donc, mais du coup, tu faisais quoi dans la batterie, toi ? Chant. Ah oui, j'étais au chant. Oui, t'as pas... Ah, bah, je ne faisais aucun instrument, donc j'étais au chant. Entre-temps, j'ai appris la batterie. Il y a des traces de tout ça ? Non. Il n'y a même pas de chant. Ah, parce qu'il n'y a pas une VHS Ouais, c'est ça. On a des VHS, mais on par contre, il faut peut-être expliquer aux VHS que c'est aux jeunes. Oui, c'est ça, alors VHS. Il y a Wikipédia. Hein. Ouais, ça intéresse, ils y renvoient. On devait récupérer, d'ailleurs. Et ouais, voilà, vraiment sérieusement, on a attaqué en 96. Première fête de la musique en 97, 98. À la base, c'était plus des reprises ? Non, on a tout de suite composé. Ouais. Donc, quand j'ai pris la batterie, un pote de Romain qui a pris le chant. Ça a duré un an, comme ça, on a composé quelques morceaux. Il a préféré partir. Donc, j'ai fait l'intérim au chant en même temps que la batterie pendant 7 ans. Ah d'accord. Allez, exercice, en fait, on a ramé quoi, au niveau cardio et pulmonaire, ça allait. Ça va. Ouais, parce que... très dur, mais comme tu vois, je suis très physique. Oui, tu es. Ça se voit. Mais moi, ça m'a impressionné quand t'es rentré tard. Je veux bien que tu passais pas dans. Bah oui, dans le parking, j'étais obligé de passer. En pierre. Donc on faisait très peu de dates, qu'on faisait la fête de la musique et puis voilà, et puis c'est tout. On passait nos après-midi, nos samedis après-midi à essayer de composer. C'est déjà pas mal. C'est allé jusqu'à quoi? Jusqu'à 2004. Ouais, Richard commençait à traîner avec nous. 2004. En fait, Richard, c'est le petit frère d'un copain de lycée, en fait, donc qui traînait avec nous. Donc Richard s'est greffé. 2004, oui, il a essayé de chanter. De toute façon, tu m'as donné le micro. Donc, voilà. Il a essayé de chanter. Démerde-toi, mon gars. Donc c'était. Jusqu'en 2005. Pas, les gars, je vais muer. C'était Chewbacca, quoi. Voilà, en 2005, on a un autre pote, Fred, qui est venu essayer le chant. Donc ça marchait beaucoup mieux que Richard. Donc Richard servait de Sherpa, en fait. Mais d'un côté, ça mangeait, je faisais du sport à l'époque. Voilà, ça a duré quelques années comme ça. 2010, il y en a qui sont partis. Bah, Guillaume à la basse, on a eu envie qu'il parte en fait. Carrément. Ouais, c'était pas facile. Un peu comme moi quoi. Il était pas assidu au niveau des. Attends, niveau des répètes. Une fête de la musique par an, ça va, c'est pas trop dur d'être assidu. Ouais, mais on voulait composer, augmenter un petit peu. Voilà. Arrivé en 2010, on commençait à faire des concerts à Caen, des trucs comme ça. On faisait la quoi à Saint-Lô. Et puis ça avançait pas, ça faisait des années qu'on se le disait. Richard était là, il avait une formation de guitariste, donc il a essayé la basse, ça marchait. Logique. Ça a bougé, voilà. Et 2 ans plus tard, on gardait toujours le contact avec Guillaume, qu'on avait pas coupé les ponts. Bah non, on est une bonne amie. En panne de chanteur, on lui a proposé le poste de chant, et là. Non, il s'est imposé au chant. Non, il avait envie de revenir. Il était bourré. Je vais prendre le chant. Il avait envie de revenir. On a dit, bah écoute, on va essayer le chant. Et tilt. Voilà. Et là, c'était parti. Depuis 5 ans, c'est nickel. D'accord. Et donc, bah, plus de concerts, du coup, plus sérieux. Ouais. L'année dernière, on a fait une bonne année. On a dû faire 8 concerts, je crois. Sans doute. Rennes, Rouen, Caen, Paris. Louviers. Pas trop. L'année dernière, Saint-Lô. Saint-Lô, ouais, aux Hétéroclites. En 2015, 2016. Ouais. Ouais. Tremplin. Cette année, on a fait Rennes, Alençon. Agréablement surpris à Alençon. Caen. L'année prochaine, on retourne à Rouen. Voilà. On retournera à Caen. Après, c'est marrant parce que moi, je sais que le nom de Génome est apparu bien avant que je vous entende, en fait. J'avais eu des gens, on avait sur déjà Saint-Lô, parlé. Sur Saint-Lô, ouais, on avait parlé. Mais... Alors qu'on n'y joue plus. Non, avant toi, c'était peut-être toi au boulot, effectivement. c'était pour ça, alors. Bah, c'était en 2010. Ouais, sûrement, ouais. 2010, je t'en ai parlé. Tu vois, il y a à peu près 7 ans, on en a parlé. Et depuis, je m'en souviens. Mais très bien, tu vois. Avant de nous avoir écoutés. Hein. Ça fait la réputation du homme. C'est ça. Non, c'est... On rappelle ce qu'au boulot, tu me disais petit trou du cul. Alors, c'est pas vrai. N'écoutez pas, je suis quelqu'un d'hyper agréable. Mais pas au boulot, non, il a raison. Ouais, c'est ça. Hey, oh, c'est comme ça. Moi, je mets les bases d'entrée. Sinon, après, les gens, ils prennent. T'étais nouveau Non, parce que justement, j'avais parlé du groupe. Puis en fait, dans une musique. Mythomane. Petit trou du cul. Dans la chanson Mythomane. Justement, il m'avait rapporté. Qui figure sur notre dernier EP Pensée primitive. C'est vrai. Mais on va en parler après, car on l'a écouté. Mais pas ensemble, parce qu'on ne peut pas passer du temps. Et donc, vous avez sorti comment, des démos, des EP, des albums? Alors, on a fait plusieurs démos avant, ouais, on a dû faire 3 ou 4 démos, 3 démos avant. 3 démos, je crois. Chez nous, voilà. En tout autoproduit. Tout à fait, ouais. Et puis en pas du tout vendu, en fait. Je gravais les CD un par un pour démarcher, quoi. Et 2014, ouais, on s'est dit, allez, on fait un EP. On fait un EP, 8 titres. Pour les comprendre quelque chose pour les enfants. On a tout enregistré sur notre matériel. Pour qu'ils aient un héritage. Qu'on a remplacé depuis quand même quelques années. Normal. Et on a confié le mixage à Guillaume Dousseau du Swan Sound Studio. Mm-hmm. Et agréablement surpris. Un super son. Putain de mixage, tout ça. Mais comment il fait avec ce que je lui ai donné, comment il a fait, quoi. J'ai jamais réussi à sortir un truc comme ça. Peut-être parce que c'est son boulot. Ouais, tout à fait. Ça peut jouer. Il a l'oreille aussi. Il a une putain d'oreille. Putain d'oreille. Ah, donc on s'est fait plaisir avec un 8 titres qui est sorti fin 2014. Et qui s'appelle Français moyen. Ah, Français moyen. Français moyen. Je l'ai. Je l'ai même écouté. Mixé, masterisé par Guillaume Dousseau. La pochette dessinée par Pierre Dartenay. Tout à fait. Et du coup, on a continué à composer. Et on a réussi à enregistrer. On n'a pas été très productif. Un suivant, un EP suivant, ouais. Attention, c'était très long. Pensée primitive, on m'a dit que c'était pas vraiment un EP ni pas vraiment un album. Donc on est plus sur un EP. La semaine dernière. Pour moi, c'est un EP. Un mercredi. Six titres, pour moi, c'est un EP. On est sur un ALP. Voilà, on était plus sur un ALP. Ouais, un ALP, ouais. Ouais, c'est un peu. Ouais. Oui, c'est compliqué. Ça peut tirer par les cheveux. C'est ça. Un EP, c'est 4 titres quand même. Y a des non, on met 6 titres. Ah, alors qu'un album, c'est plus 7-8 titres. Ou tu mets un EP plus bonus track. En fait, c'est un EP bâtard ou un album bâtard. Ouais, c'est un entre-deux. Ouais. En fait, vous faites chier quoi. C'est un mini album. Donc un bâtard, on va l'appeler comme ça. Ouais, c'est un bâtard. Voilà, petit album autoproduit. Pour moi, c'est un EP. Voilà. Bon. Moi, je suis d'accord. Je Etienne a l'air d'être en colère, donc je suis d'accord. Attention, je vais m'énerver. Donc, pensée primitive. On a commencé à enregistrer. Donc là, par contre, j'ai enregistré les batteries au studio Guillaume Dousseau. D'accord. Soin de Saint Studio à la Ferrière à Rang, à la Souleuvre, côté du site de la Souleuvre. Mmh. D'accord. Il paraît que c'est vrai que c'est un putain bon de studio. Ouais. Putain c'est pas là studio. Où il y a le truc de Luc Besson. Ou c'est plus loin parce que non, mais Luc Besson, il a un truc de son dans la région. Ah ouais, ouais. C'est peut-être pas là exactement. Ça fait longtemps qu'il existe. Je crois qu'il a un rat dans le coin. Mais... Ah oui, ça fait très longtemps. Il y a une de demi-heure. Ouais, faut qu'on se renseigne, on n'a pas les bonnes. J'ai enregistré deux fois là-bas, j'ai enregistré un EP pour Morzienda aussi. Ouais. Putain, tu faisais partie d'un autre groupe encore. J'ai fait partie de Morzienda ouais, pendant 3 ans. Ouais, un putain de son. Donc on a enregistré, j'ai enregistré les batteries en août 2015, tu vois, et l'EP est sorti en juin 2017. Ça fait long. On a été très très long. On a été très sollicités sur tous les concerts aussi. Ouais, c'est ça. Quand tu enregistres tes guitares et le chant et la basse à la maison. Les concerts, les apéros. Ça, c'est l'apéro, ça fout la merde. Hein. Bah, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Hein. Vu qu'on travaille tous, on a enregistré le samedi. Ouais. Donc, quand tu fais un concert un samedi, bah, tu n'enregistres pas. Le samedi d'après, tu remontes ton matos. C'est ça. Le samedi d'avant, tu as démonté le matos. Donc, tu crames déjà 3 samedis pour enregistrer. D'accord. Y a une tête de guitare qui a cramé. On a refait une cabine parce que l'acoustique ne nous plaisait pas sur les sons guitare. Du coup, on a vraiment été très très long à autoproduire ça. Mais voilà, remix et mastering par Guillaume Dousseau et... J'aime bien ce son. Je trouve que le son est encore meilleur que Français Moyen. Bah du coup, c'est vrai qu'on n'a pas entendu les pistes avant, donc on va pas se rendre compte. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un album bien... Enfin, un bâtard, plutôt bien produit, mais on va en revenir après. Et du coup, donc, ce que nous disait Richard la semaine dernière, c'est qu'en fait, il est composé d'anciens titres et de titres plus récents. Ouais. Donc ouais. Comment ça se passe au juste, en fait? On avait pas assez de matière, donc on a... On a rempli avec des vieux morceaux qu'on a choisi parce qu'on avait jamais enregistré en fait, on les avait jamais, et qu'on joue aussi tout souvent en concert. Qu'on joue encore en concert, donc on voulait les mettre en boîte quoi. On les avait mis vite fait en boîte au studio, les petites démos. Donc ça fait que vous avez encore d'autres titres jamais enregistrés qui traînent. Là on a fait le tour. Bon, ouais. Bon, et du coup le prochain, on envisage pour 2019, mi-2019, début 2020. Ouais, j'aimerais peut-être même avant. Hein. Est-ce que vous avez déjà des morceaux de prêt? On a 4 de fini, 5e est en cours. Carrément. Donc on vise à peu près un 8 titres. Après, quand Richard vient au bout de 3 semaines... Ah non, en fait, ça va pas. Non, mais t'es gentil, c'est au point, ça. C'est pour ça que je veux qu'on prenne le temps de faire quelque chose. Ouais, quand on essaie de faire quelque chose de chiadé... Parce que du coup, c'est ce que tu m'avais dit, Étienne, la fois où on s'était vu avant, en fait, c'est que vous enregistrez en live, en fait. Enfin, vous composez en live. Vous êtes vraiment... Là, on a un petit peu changé de méthode de travail. Tiens, voilà. Tiens donc. Les gens... Tout à l'heure, il était enregistré à la batterie. Non, mais pour la compo. Il compose il se retrouve en répète, et il compose normalement. Ça, mais là, tu vois, ça... Je trouvais que ça avançait plus d'enregistrer en buffant, toujours en buffant. Donc, on bosse beaucoup avec Guitar Pro. Et Johan écrit beaucoup, j'écris beaucoup. On s'envoie des plans, en fait. On s'envoie des plans, je fais pas mal d'arrangements. En fait, on fait comme les groupes pro, maintenant. Bah, ouais. C'est comme ça qu'ils font, ils s'envoient leurs plans qu'ils trouvent, ils se les balancent, tiens j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses, on fait ouais, ça, pas ça, tout, comme pas ça. Tous les groupes pro, hein. Il y en a beaucoup. Metallica continue de faire ça en live. Hein. Ouais. Tu peux voir les vidéos sur YouTube, bah, si tu les vois faire. Hein. Oui, mais bah, ils font comme nous. Ils se rassemblent pour trouver des plans. Les copies. Ils ont la matière, ils ont la matière. On fait... Non, c'est vrai que vous avez raison. Je pense qu'ils ont... Ils font comme nous. Il faut garder les deux recettes. Il faut garder les deux recettes. Ils font comme vous. Il faut garder les deux recettes parce que... Je trouve que les morceaux tout composés sur Guitar Pro, ça manque un peu d'humanité. Le problème, c'est quand n'importe quel guitariste, ils vont te dire ça, ils vont trouver des plans chez eux, tiens, je vais emmener ça à la répète, puis qu'est-ce que je faisais je ouais, mais plus. Après, il peut très bien avoir, tu sais, genre deux gratteux qui s'envoient les plans et qui montent toute la structure totale du morceau. Non, là, et on, après, on met tout le monde à collaboration. D'accord, non, c'est intéressant. Ouais. Et justement, tu disais que t'écrivais, tu parles des paroles et tout, que je me demandais, c'est qui écrit les paroles C'est qui Moi, un petit peu, Guillaume, beaucoup. Après, j'ai tendance à arriver à finir le boulot en fait. Tu viens arrangement et quand on fait les démos, je dis non, ça va pas. J'ai tendance à finir un peu le boulot de tout le monde. Parce que j'ai trouvé justement, on va en parler un peu plus sûrement tout à l'heure, mais j'ai trouvé justement que sur Pensée Primitive, comparé à Fantomatic, il y avait justement plus de finition et de trucs en plus en fait. Que ce soit en termes de musique, au niveau du chant, qui a été un peu plus poussé. Merci. Parce que c'est ce que j'avais expliqué à Richard. Je trouvais que sur Français Moyen, et quand j'avais fait écouter à Bob, je trouvais qu'il y avait encore moyen d'aller un peu plus loin, que vous en aviez sous le coude, et c'est un peu... Quand je l'écoutais, je me disais, tiens, il fallait le voir faire. Ouais, j'étais là... Regarde, il faudrait que ça... En fait, tu venais pas, quoi. Faut rester un peu sur ta faim. Ouais, non, mais tu sais, j'avais l'impression que ça pouvait aller un peu plus loin. Quand tu m'as fait écouter votre premier... Non, mais c'était ça, quoi. Non, mais c'est juste... Écoute. Tu vois, là, ça... Tu trouves pas qu'ils sont... Là, il pourrait y avoir un peu plus loin, là. Ils en ont sous le coude, mais ils ne balancent pas. Tu vois, et là, c'est un truc que j'ai trouvé un peu plus abouti dans celui-là. C'est une progression, c'est bien d'avoir les retours, comme ça. Ouais, non, mais... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'album de la maturation? Non, pas encore. Enfin... Non, je suis désolé, c'était la question de poids que tout le monde pose. Non, la meilleure, c'est la 8. Puisque c'est. On se remet toujours en question, donc on veut toujours progresser. Donc, non, je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Que musicalement. Il y a toujours moyen de faire mieux. Quand je réécoute Pensée Primitive, ou différent. J'entends les erreurs. Ouais, non, mais après, les erreurs, tu les entendras, je pense, toujours. Tout le temps. Même c'est chiant. Le truc, moi en fait, j'avais un peu. Bah, attends, c'est un peu dur de pas parler trop vite de l'album et d'essayer de parler. Donc, pour le groupe, voilà, vous en êtes là. Donc, toi, ça t'arrive de reprendre un peu les textes et d'en amener aussi quelques-uns. Richard, toi, t'écris pas. Est-ce que vous avez des thèmes que vous imposez de parler en texte ou vous avez vraiment. Parce qu'on sent un peu de colère quand même dans les textes. Un peu de... Mais on fait du rock. C'est d'actualité. C'est un groupe de métal, merde. Faut que ça ait de l'impact. Un minimum en colère. Non, mais c'est pour ça, et ça pourrait être genre, on prenait tout à l'heure l'exemple de Five Finger Death Punch, c'est que des textes dépressifs, le mec, donc ça pourrait être alcoolique. Voilà. Non, c'est au gré. Il est parti, il est revenu. Mais il a des soucis. Ouais, c'est ça. Il est fatigué. C'est au gré de notre vie, en fait. Si vous étiez plusieurs à écrire, c'était peut-être un peu difficile d'avoir les mêmes envies, en fait, ou les mêmes thématiques. Non, bah. On n'est pas potes pour rien. Hein, non, mais c'est clair, mais après. On a un peu les mêmes idées, on a grandi ensemble, donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas de mal à trouver de sujets communs. Hein, c'est... Très bien, très bien. Bah, du coup, je pense qu'on peut attaquer sur Pensée Primitive. Donc toi, Bob, on parlera peut-être des soucis, non, mais des soucis liés au truc. Parce qu'on a eu un problème d'écoute avec le disque. Oui, c'est vrai. Ouais, ça m'étonne. Ouais. C'est les premiers à me dire ça. Bah, écoute, moi je... Ouais. Richard a l'air emmerdé avec ses noix de cajou. C'est pas du bruit, faites du bruit. Je fais du bruit. Ah, vas-y, meub. Non, je peux pas. Ah si, t'as des cartes. T'as tellement de choses à dire. Vas-y, bah vas-y, tiens, meub sur ça. Allez, un petit meuble. Comme ça, on fait une petite pause. Petite pause bien. Jingle. Éocène, 54 millions d'années avant nos jours. Le Smilodon. Intéressant. Regardez les fiches. Ça ferait un bon nom de groupe de métal. C'est ce que je me suis dit. Non, faut la faire en anglais. Alors, deux canines aiguisées, le tigre aux dents de sabre. Ah. Le fameux Diego. On y est. D'excellente défense, mais ses deux poignards le contraignent à avaler de gros morceaux de viande sans mâcher. Ah merde, ça c'est presque les points. Oui, go, du coup, après, bah, ouais, il a mal au ventre. Du coup, celui-là, il est pas végan. Donc, celui-là, Non, il devrait prendre des flancs, c'est plus simple. Bah ouais, mais t'imagines en plus. Il s'est étouffé avec un gros morceau de barbe. Il vivait au temps des hommes primitifs auxquels il devait inspirer une belle terreur quand même. Et ça, ça sera une leçon pour tout le monde. Il faisait quoi comme taille à peu près? Il était grand. Il était grand comme un tigre. Avec des grandes dents de sabre en fait. Waouh! C'est vachement bien quand tu parles. Merci. Parce qu'il faut savoir que Bob a une licence d'histoire des animaux préhistoriques. Ah ouais? Ouais. C'est hyper précis comme cursus en plus. Mais c'est ça. Je préfère vraiment partager mon expérience. Parce que personne, ça n'intéresse jamais personne. C'est pour ça qu'il se sert du podcast. Il a deux podcasts. Il a un podcast sur le Hellfest et le métal et un podcast sur les animaux préhistoriques. Que personne je mélange tout en fait. Comme le podcast sur les animaux préhistoriques, voilà. Je parle de groupe de métal. À chaque fois, il dit le Smil, donc il fait un super groupe de métal. C'est ça. Moi, je préférerais les tigres à dents de sabre en nom de groupe. Ça serait... Ouais, mais tu dis comme moi, alors... C'est un peu qui Frenchie. Sabertooth Tiger. Sabertooth Tiger. Bonsoir, nous sommes les tigres à dents de sabre. Là, tu dis, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok. Ça va faire un peu manga japonais, quand même, comme ça. Ok, très bien. Donc, alors, pensée primitive, Bob. Ton écoute. Ouais, sachant que nous n'avons pas donné d'argent encore. Hein. Pas encore. Non, pas encore. Ça va venir. On l'espère, ouais. Alors, pas d'enveloppe. Pas de pot de vin, rien. Bon, ouais, tant pis. Et ben, bah, c'était de la. Donc. Non. Bah, après, j'ai survolé l'album parce que j'ai eu du mal. Donc, du coup, je n'ai pu l'écouter que dans ma voiture. Et j'ai pas beaucoup bougé cette semaine. Donc, voilà. Et ça me faisait chier de faire le tour de la ville. De... Oh. Bah, voilà, pour écouter un album, tiens, j'allais pas. Tiens, putain, le gasoil. Ouais, je suis en réserve. Et donc voilà. Mais non, après j'ai écouté les deux premiers morceaux. Hey. Quand même. Ça, c'est un professionnel. Là, franchement, moi je suis comme toujours... J'ai eu des inconvénients. Je suis toujours sur. Parce que j'écoute toujours, moi, sur ma chaîne. Et il passe pas dans ma chaîne. Ça, c'est bizarre, ouais. Non, on va essayer d'en donner un autre. Il passe vraiment pas. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, je découvre plus facilement de la musique en étant posé avec une bonne bière, des cahuètes. Alcoolique. Une bonne écoute. Ouais. Pardon. Oh, des gestes. Il me fait coucou avec la main. Je me comprends pas. On ne le voit pas. Oui, bah, il fait coucou avec un doigt. Mais je l'ai rentré avec plaisir. Est-ce que j'ai écouté m'a plu. Et cool, j'ai trouvé une putain d'énergie. Ça, très bonne d'accord. Énergie. On a choisi le premier. Et le chant morceau, français, ça change. Ouais, on s'y tient. Bah déjà, parce qu'on est des quiches en anglais, donc écrire en anglais en étant crédible. Ouais, mais je trouve, alors personnellement, je trouve que c'est toujours une prise de risque énorme de faire ça, parce que en français, tu prends vachement plus le risque d'être ridicule, parce que forcément, les gens scandent en anglais des trucs, mais quand tu les traduis, c'est ridicule au possible. Alors, c'est clair. Alors que là, ça passe bien. Vraiment, le chant passe. Enfin, ouais. Les paroles sont bien choisies. Voilà, je trouve surtout quand je ne suis pas fou, qui revient à la fin en boucle, je trouve vraiment. Je trouvais ça vraiment très très réussi. Moi, j'ai essayé de l'écouter plusieurs fois pour essayer de voir ce qui n'allait pas. J'ai cherché principalement les trucs qui n'allaient pas. J'ai trouvé que dans l'ensemble, tous les morceaux avaient une bonne énergie, ça marchait super bien. Les textes sont bien choisis, bien écrits. C'est pour ça que je me demandais qui écrivait, parce qu'on ressent toujours quand même une certaine colère et une maturité. Non, en fait, quand ils écrivent les paroles, ils sont aux toilettes. Ouais, c'est non, tout à fait. Une certaine critique de la société et tout ça. Et moi, ça me dérange pas. Ça, des fois, ça peut sonner un peu comme groupe engagé, machin. Mais ça peut être énorme. Ça fait partie de nos influences, ouais. Tout à fait, non, c'est pas. Et j'ai trouvé ça très très bien. Y a le seul point en fait qui m'a vraiment gêné, c'est que des fois, j'avais l'impression que la voix était au même niveau que les grattes. Ouais. Et donc par exemple dans les couplets en fait du coup j'avais plus de mal à entendre ce qui était dit. Ouais, parce qu'il y a beaucoup mais de guitares. Mais en fait on a mis beaucoup de guitares. Ouais, puis on veut que tout soit pareil. Ouais, mais quand t'écoutes au casque, ça marche, t'entends bien les voix et des fois quand tu le mets sur ça dépend de ton écoute, ouais. Voilà, et du coup t'entends moins bien et moi des fois je me dis tiens, c'est bizarre. Et ça fait la même chose en fait sur les solos. Les solos se ressortent un peu moins, ils comme tout est au même niveau. Ouais. T'as un peu l'impression que c'est moins mis en avant. Et bah ça comme c'est quelque chose qu'on n'entend pas d'habitude, justement, parce que chaque moment, on va dire, dans le morceau est mis en avant, dans le mixage, ou je ne sais pas trop à quel moment, mais je pense que c'est le mixage que ça se passe. Là, ça m'a un peu gêné ce manque-là, parce que du coup, j'arrivais moins à entendre ce qu'il disait et tout ça. Après, pour le reste, la qualité des compos, l'énergie, je trouve qu'arriver à garder de l'énergie en enregistrant, c'est vachement dur, et là, ça marche. cool. J'ai rien à dire. Les compos sont très bonnes. J'ai rien à reprocher à ça. Franchement, pour un truc qui est autre produit, je trouve ça hyper propre. C'est cool. Vraiment. C'est, moi, après, c'est vraiment, je vous dis, ça, juste ça, le côté chant qu'on a du mal à entendre. Qu'on a un peu de mal à entendre de temps en temps parce que c'est au même niveau. Mmh. Voilà. Bah, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de guitare. En fait, j'ai fait le chieur, j'ai demandé au guitariste d'enregistrer deux fois. Ouais. Donc, t'as deux guitares à gauche, deux guitares à droite. Ouais, ça marche, mais peut-être pour que... Pour avoir du remplissage, vraiment, pour donner de l'espace, pas avoir des guitares vraiment qui tapent dans les oreilles, comme les productions modernes, tous les groupes de metalcore, voilà, t'as une guitare qui est hyper rentre dedans, que t'entends, tu perçois beaucoup. J'avais envie plutôt de quelque chose de plus étalé. Ouais, mais tu vois, quand tu écoutes justement ça à un moment donné, quand t'arrives au moment du couplet, si tu écoutes un peu, t'as l'impression que le chant est un tout petit peu plus haut, pour juste se démarquer un peu, et que du coup, t'entends quand même ce qui se passe à côté. Et là, ça m'a un peu... C'est juste c'est ça. Clair, c'est pas évident. Tu vois, c'est le point, tu sais, de temps en temps, je me dis « Ah mince, j'entends pas ou pas. » Ouais. Et il y a aussi un autre point que je me suis dit, c'est que j'ai eu l'impression que certains morceaux étaient un peu faits dans l'énergie, mais de temps en temps dans l'urgence. Et que du coup, il y avait un peu moins de respiration. Et il y a certains riffs, genre quand t'as un changement dans le morceau, t'as le solo qui arrive en même temps que le changement de riff, et du coup, t'as pas le temps de te poser, comme si en fait vous avez un petit côté bulldozer. Il y a de l'énergie dans les textes, il y a de l'énergie dans la musique, donc tout va très vite. Ouais, c'est comme ça qu'on voit un peu les choses des fois. Et pour moi. C'est sûrement moi qui vois les choses comme ça souvent. Ouais, j'ai tendance bien, à. C'est qu'à la fin d'un couplet ou à la fin d'un refrain, qu'on balance direct le solo. Et ça, non, mais ça, je comprends. C'est j'ai tendance à dire. Ça, c'est un style. Ça, je me suis dit, ça correspond un peu à ce que vous devez aimer en musique. J'ai tendance à freiner aussi un petit peu. Je dis, on peut laisser sonner. C'est pas ouais, c'est grave, ça. C'est en fait, ouais, il y a juste. Je me souviens plus exactement de quel morceau, mais il y a vraiment un morceau précis où ça reprend directement sur un changement de rythme et de riff. Je suis pas fou. Je suis pas sûr. Non, je crois pas que ce soit ça. Non, vraiment, où ça démarre avec un solo direct. Et du coup, bah, t'as pas le temps ni d'apprécier le solo ni le changement parce que c'est direct dedans. Mais après, ça c'est moi et ce que j'aime moi. Moi, je me suis dit que ça devait plus se rapprocher de ce que vous aimez et de votre style. Bah, de toute façon, moi je sens la différence entre les vieux et les nouveaux morceaux. Alors je suis pas sûr parce que il y a certains morceaux qui sonnaient un peu plus vieux effectivement que d'autres, mais je suis pas sûr. Sur deux de toute façon. Ouais, mais le premier est nouveau, le troisième est nouveau, le cinquième est nouveau. Ouais, il nous l'a dit, mais je voulais pas être sûr que ce soit ça. Et moi je trouve, enfin les nouveaux, je les trouve beaucoup plus aboutis musicalement. Ah bah oui, de toute façon. On s'est remis beaucoup plus en question par rapport à des morceaux qu'on traînait depuis 5-6 ans. Prochain album qu'on est en train de faire là, qu'on prépare. C'est que du nouveau. Ça sera que du nouveau, mais on se remet beaucoup en question sur cela, quoi. Bah justement, ça c'est un truc. Alors ça, c'est une petite question entre parenthèses. Et vous avez jamais pensé, genre, à prendre comme quelqu'un d'autre pour écouter d'un autre œil, comme un producteur forcément, mais un mec. Tu lis dans mes pensées. Ouais, je sais. Justement, déjà l'intérêt pourquoi on voulait faire aussi le mastering tout ça chez Doudou là, c'est parce qu'on a une autre oreille qui peut apporter autre chose, toi. Bah déjà en enregistrant la batterie aussi. En enregistrant la batterie, il a une super oreille, il me dit non, ça va pas, là t'es à la ramasse, donc simplifie, t'emmerdes pas, simplifie, et du coup c'est plus efficace. Bah, c'est vrai que moi j'ai senti quand même un peu un sentiment d'urgence dans le côté, vraiment, fallait déblayer, quoi. Le bulldozer il arrive, il passe tout, et autant ça marche bien dans la composition des morceaux, autant en tant qu'auditeur des fois, c'est pas que t'as envie de souffler, mais t'as envie d'apprécier, d'écouter mieux. Ouais. Et si c'est un solo qui va venir... comment dire, occulter le riff derrière, bah c'est un... Enfin... Limite, moi, il y a des trucs que je trouve, sur le dernier, les solos sont pas assez longs, des fois. Après, ça... Bah, ça dépend, ouais. Ça, je me dis, toi, j'en veux plus, moi, avec les solos, j'aime bien... Ah, mais j'ai peur, parce qu'on a deux bons gratteux qui font quand même des bons petits solos qui sont bien kiffants. Moi, j'aime bien faire la bosse dessus, et... Faut que ça accroche bien aussi, parce que c'est pas assez long, des fois. Quoi. Bah, c'est vrai que moi, il y a certains trucs, je me dis, tiens, là, ils auraient pu laisser juste un temps ou deux supplémentaires, qu'on écoute un peu le riff. Là, ils repartent sur le solo, un tout petit peu surélevé pour entendre un peu plus. Et après, on débute le reste. Mais on sent vraiment une énergie et un truc qui rentre dedans, quoi. Donc, et ça marche, par contre. Les paroles marchent vraiment bien avec. Et c'est ça, c'est ouais, tellement c'est cool. Casse-gueule. Donc, ça, c'est pour mais, ça, un respect. Pour rebondir, c'est une idée. C'est une idée qui m'est venue début d'année. Quand on va faire nos démos et soumettre. On va se faire un groupe d'amis, voilà, quelques-uns. Et soumettre un peu voilà, nos démos, les morceaux, l'écriture, à faire une pré-production avant d'aller en studio. Voilà. Non, parce qu'en plus, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, les petits trucs en plus qu'il n'y avait pas sur Français Moyen, le côté, comme je disais tout à l'heure, Je ne suis pas fou, qui est remis en boucle à la fin, qui revient. Et plus tout de cœur, ouais, j'ai voulu plus ça, de cœur aussi. Ouais, ça marche vachement bien. Ouais. Ça, voilà. Après, on est toujours sur des trucs qu'on peut aimer ou pas aimer, et j'ai essayé justement, quand j'ai écouté, de faire abstraction de ça. parce que justement des fois des paroles trop engagées, moi je suis pas forcément tout le temps fan, ou ça peut être un peu pas fatigant, mais au bout d'un moment tu peux juste avoir envie de souffler un peu, et là comme il y a beaucoup d'énergie, bah, ça marche bien. Mais par rapport juste en essayant d'écouter, je me suis dit, allez, cette fois, soufflez un peu, les gars. Écoutez-vous un peu, vous allez voir, ça va être bien. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse un gros travail de réécoute de nos morceaux. Ouais. Moi, c'est voilà. Avant ça, de mettre en boîte, mon avis. Après, niveau énergie, niveau texte, niveau. Rien à redire. Non, mais c'est cool, ça donne une base pour bosser. Et surtout, en plus, les trucs restent en tête, quoi. Vraiment. Je ne suis pas fou, j'arrête pas de le répéter à longueur de journée à la maison. Et... Mais ma femme dit oui, je sais. Puis tu peux l'écouter. Pourtant, c'est un vieux morceau, c'est un très vieux morceau, je ne suis pas fou. Ouais, mais bon, par contre, j'ai dû le pirater et le mettre sur mon téléphone. Je n'arrivais pas à l'écouter. Donc ça... c'est un truc de taré. Du coup, toi, Bob, t'as bien aimé quand même vraiment ce que t'as écouté. Ouais. Et pour un groupe français. Cool. Ouais, c'est ce que j'aime dans la musique, moi déjà. C'est l'énergie, quand ça tabasse, un minimum. Soit le batteur, il est un peu en retard des fois. Non, le batteur est... Bah, non, peut-être bizarrement, enfin, bizarrement, non, c'est ce que j'écoute en premier, la batterie. Bizarrement. Mais parce qu'il est batteur à la base. C'est pour ça. C'est pour ça. J'ai rien à redire. Cool. Non, franchement, bah, tout ce que t'as dit, c'est vrai qu'on en a parlé il y a un moment de ça. Je ne sais plus quand t'es venu bouffer et que tu m'avais dit « Ah, écoute, c'est trop bien. » Ah, parce que vraiment, Bob peut en témoigner. Ce soir-là, il est arrivé. Putain, ça marche pas. Écoute. Ah, et quand j'aime pas, je vais le dire aussi. Hein. Il est arrivé, j'ai dit, bah, écoute ça. Ok, d'accord. Kézako. Voilà. Non, j'aime bien. Il y a une bonne énergie et c'est ce que j'aime dans la musique, tout simplement. C'est pour ça que je t'avais dit aussi, c'est dommage qu'on vous voit pas plus en concert et tout ça. Après, vous allez à Alençon. Je sais pas me perdre là-bas. C'est trop... Ça se trouve, c'est pas fléché en plus. Je crois qu'il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau là-bas. Non. Ah, t'es dans l'Orne. Bah c'est pour ça, moi je vais pas dans l'Orne. Hein. Dans l'Orne, il n'y a pas de panneau. J'ai été sauvage là-bas. J'ai été au Bichoiserie, ça m'a suffi. Hein. T'es pas loin de Walking Dead quand même. Ah, c'est ça. C'est pas loin quoi, c'est l'Orne. Non, les mecs ils sont tellement déchirés là-bas, ils ont que ça à faire picoler. Moi je vais pas là-bas. Ouais, as-tu des contacts au Bichoiserie? On en parlera après. On s'est déliré là-bas. On fait un bon petit concert. Bah c'est une putain de mecs, ils devaient déjà être torchés avant d'arriver. Super ambiance. Bien là, super accueilli. Il est plus torché. Ah, bah, ouais. Pourtant, ils sont forts dans l'ordre. C'est vrai que je suis un peu fatigué. Je jouais jamais au Caribou. Caribou. Ouais, le Caribou, je sais plus où c'est dans l'ordre. Il y a un sud d'enregistrement, Paul Person. On avait joué là-bas, nous, et on avait un public comme ça. ça veut dire quoi, comme ça? C'était atroce. C'était le soir du blues. Ah, bah, il y avait personne. Si, il y avait du monde. Mais c'était le soir du blues. Ah. Tous les jeudis soirs, il y a une soirée blues. Ah oui, tu m'avais raconté cette histoire-là. Et nous, on avait joué. Je vais prendre cette petite. Ce petit verre d'eau. Ah, je voulais la prendre. Ah bon, tu veux la prendre ça? Tiens, j'en ai d'autres là. Prends une neuf plutôt. Non, attends, j'en ai une. Prends une neuf. Ah, je suis plus grim que neuf. Pareil. Ah, c'est pour ça. Ah, faut que tu mettez-vous d'accord, les gars. Ah oui. Ah oui, meuble. Ah, tu passes la table. Alors oui, donc, le diatribe. 3 mètres d'eau. Non, mais tu te calmes, ça. Oh la vache, excusez-moi. C'est un oiseau, mais je dois faire la taille de nos éléphants africains. Carnivore, il se nourrit de petits mammifères. C'est un oiseau qui ne vole pas. Il n'a pas d'ailes. C'est pas. Il manque une petite musique. Ouais, c'est ça. T'as fini? Bah oui, c'est fini. Ah merde, bah prends-en une autre. C'était super court. C'était plus long la semaine dernière. Bah ouais, bah j'y peux rien. C'est un peu court. Jadis des monstres. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est bon. Ouais, c'est bon alors. Où est-ce qu'on en était? Parce que du coup, je sais plus moi. Alors, on avait fait le tour de. On parlait de l'ordre. C'est ça. Ah oui, non, j'allais dire oui. Par contre, vous faites pas assez de concerts plus près. Hein, ça c'est chiant. Ben, on a essayé dans ton garage en fait, mais c'est tu veux ça. Pas. Et non, parce que c'est le bordel. T'as jamais vu mon garage, vraiment. J'aurais plus de place ici. J'y étais plusieurs fois. Et non, c'est pas possible. Bah, le problème de comme à Saint-Lô, c'est qu'il y a plus de bar pour faire des concerts. Tu rigoles ou quoi? Il y a le Castel. Mais non, il faut faire des concerts acoustiques. Bah, Ludo, c'est un acoustique. Je pense, hein. C'est où ça, le Castel? À la place du Scottish. C'est un standard. Ah, d'accord. Ludo, non, ils prennent pas. Non, ils prennent pas. Ah bon? Non, récemment, là. Depuis le changement de nom. Je vais demander. Mais non, Ludo, ils ont joué en face, c'est ça que tu veux dire? Ah, je sais pas. À la fin de la musique. Oui, c'est la fin de la musique. C'était pas du tout. Vous êtes en train de dire que je suis ridicule? Oui, totalement. D'accord, très bien, je l'assume. Depuis que l'Aqua ne prend plus de groupe métal. Est-ce que c'est plus l'Aqua en fait? Oui, voilà. Puis que l'Aqua a changé, qu'il y a eu des soucis de voisinage. Notre dernier vrai concert à Saint-Lô, c'était 2011. Après, on a fait Arplume. Voilà, c'était un tremplin. Maintenant, on n'est plus le dernier groupe de métal à voir jouer à Saint-Lô, c'est Ultra Vomit. C'est vrai. Voilà. Bande d'enculés. Ah, mais ils ont assuré. Ouais, c'est pas faux. Bien. D'ailleurs, je suis désolé. Quand tu m'as dit, ouais, prends-moi en photo avec Nard, je pensais pas que t'étais sérieux, je pensais que c'était une vanne. Donc c'est pour ça que j'ai pas dit. Quand je t'ai vu, j'ai pris ma photo. C'est ça, quand j'ai vu la photo, merde. Il était sérieux. Ah, je suis... Ça, je suis désolé. J'ai pris une photo de merde, et après, si, avec Fetus aussi, j'ai une photo. Ça, je suis désolé. J'ai cru que c'était une blague, mais pour ça, j'ai dit, oh non, c'est vrai de prendre mes deux idoles en même temps. J'ai bien vu que t'étais pas dans un état normal. Ah, bah. Non. Non, mais j'ai raté des trucs ce soir-là en termes de trucs. Enfin, bref. Ah, bah, pas moi. Ah bon? C'était une. Ok. D'accord. As-tu une histoire à nous raconter? Non, pas du tout. Oh là, non, surtout pas. Non, si, il a discuté avec un ami à lui. Oh, oui, un ami, oui, un grand ami. Un pote? Un frère? Il représente. Ouais, bah, Ouais, non, je vais éviter s'il écoute. Ne crachons pas. Ouais. En fait, as-tu eu des retours de ton collègue? Dont tu as fait la promo la semaine dernière. Donc tu m'as toujours pas envoyé le lien. Je l'ai pas vu beaucoup en fait. Non, tu m'as. Oui, ah oui, il faut que je te l'envoie. Voilà. Exact. Tu vois, 6 mois que j'attends. Comment tu veux que je travaille avec des mecs comme ça, hein? Ouais, déjà un, toi, ça fait beaucoup. C'est ça. Mais non, oui, il faut. Ouais, non, parce qu'en fait, je suis en vacances. C'est ça. Du coup, je le vois pas. Bah ouais. Parce que lui aussi, il est en vacances. Mm. Et du coup, j'ai pas de retour. Faut faire un podcast avec lui. Ouais, bon, c'est bon, j'en ai déjà un sur la préhistoire, j'en ai un sur le métal, je peux pas être partout non plus. C'est vrai, je comprends, t'as des... Voilà, donc pas de concert à Saint-Lô de prévu. On attend le bazar. Votre prochaine... Bon, qu'est-ce que tu fous Bah, je travaille, hein. Voilà. Je picole pour... c'est ce que je disais tout à l'heure à Étienne. Si, Richard nous a fait, je prends parti pour Richard, il nous a fait une super fiche technique pour la promo du groupe. Il est en train de bosser sur le dossier de presse, il fait un super boulot. Très bien. Ça... T'es content, t'es mis en avant. Je fais son job. Hein. C'est ce que j'ai ce que je disais à Étienne avant que t'arrives. C'est par contre le bazar, j'ai pas trouvé ça ouf comme ça. Le... Non, mais c'est mal sonorisé, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, c'est ça. C'est froid, il n'y a pas de chaleur. Mais bon, c'est un endroit pour jouer. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il n'y a pas de lumière. Si on doit faire un concert à Saint-Lô, je vois que ça. Il n'y a que là, ouais. Donc sans déconner, amener des lumières. C'est horrible. Ça, c'était violent. Des torches, mettre des bougies. Non, mais c'est vraiment, t'as envie de leur dire, non, c'est pas grave, acheter deux spots, juste deux. Vous les mettez là et là, et puis c'est bon. Que là, il n'y a rien, quoi. Ouais. Ça a changé de gérant, non? Bah, apparemment, c'est la troisième fois que ça change. Je crois que ça a changé de gérant, donc ça a peut-être évolué. Bah, non, j'étais jeudi soir. Donc, j'étais... Oui, mais attends, il vient de reprendre. Il vient de reprendre, donc du coup. Franchement, jeudi soir, il y avait genre une lumière orange qui partait, qui tombait sur la tête du chanteur. Mais vraiment dégueulasse, quoi. Ça faisait une petite lumière tamisée sur scène. C'était dégueulasse. J'ai vu Harold qui faisait des photos. J'ai dit à mon pote qui était là, je te parie que la photo, elle sera en noir et blanc. Elle va être en noir et blanc. Tu vas faire du noir et blanc. Ah ouais, parce que c'est facile. Ça. Non, parce qu'il y a des lumières, étaient trop dégueulasses, tu peux rien faire dans ces cas-là. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de poulot. Il y avait vachement de lumière à Elrus et Missing Miles, justement. Quand même. Ah bon? Le concert qu'on avait fait, ouais, c'était. Bien éclairé? Ah ouais, limite psychédélique. Quoi. C'était où? Bah, c'était au bazar. Bah, c'était au bazar. Quand? C'était au mois de mai, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'était la même sono, c'était la même lumière. Changer, bah sauf qu'ils étaient peut-être allumés, là c'était éteint. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Peut-être qu'ils ont allumé les lumières. Ils ont dit, on voit rien. Tiens, c'est pas mal. C'est vachement bien l'électricité. C'est vachement pratique. On a essayé avec du feu. Du coup, vous avez des dates à annoncer ou pas? 6 janvier, Rouen. L'Emporium Gallerium. C'est tellement loin. Ouais, Rouen. On ira en mars. Ah, il y aura peut-être une place, on aura un Master. Ouais. Un Master de pompier. Ouais. C'est quoi, c'est un 6 places? 7. Ça a l'air compliqué comme démarche. Ouais. C'est quand, en janvier? 6 janvier, ouais. Ça tombe quand ça, cette histoire? Donc on peut emmener des groupes. Un samedi. Alors un truc, si on y va le 6 janvier, est-ce qu'on reste jusqu'au mois de mars pour être mars sûr? Ouais, parce que bon... Ça va faire cher en le métal, 6 janvier. Ouais, jusqu'au 22 mars, par exemple. Bah ouais. Par hasard. Par exemple. Par hasard. Et après, vous avez quoi d'autre? C'est tout pour l'instant. Très très bien. Voilà. Eh ben écoutez, je pense que c'est bien. Est-ce que... Sinon, je joue avec Dead Blast. Ah oui, c'est vrai alors. Le 18 novembre. C'est plus court. Au porte-vélo. Mine de rien, il y a juste un truc qu'on a oublié de dire. À la base, vous vous définissez comme quoi comme style de groupe de musique? Parce qu'on n'a pas. Metal. Metal. Point. Mais vu que toutes les personnes nous demandent. Bah c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Ça permet. Est-ce que les gens, parce que les gens, ils veulent des précisions. Ils veulent des cases, mais oui. Donc voilà, vu nos influences, c'est Pantera, Machine Head et compagnie. font toujours du groove metal. J'ai jamais écouté Company. Donc on fait du groove metal. Bad Company. Bad Company, avec la chanson. On fait du groove metal français. Moi ça me saoule les étiquettes, les cases. Ah, t'as quasiment une case par groupe. Tel tu groupe, vois, t'aurais écouté notre podcast la saison 1, on n'a pas arrêté d'en parler de ça. Ouais, c'est chiant. On fait c'est du métal, voilà. Point. Ouais, mais en fait, c'est pour aussi aiguiller un peu les gens, en fait. Tu te rends compte que t'as besoin de ça pour savoir de quoi tu parles. Les gens sont exigeants. Maintenant. C'est vachement dur, par exemple, de parler d'un groupe de black metal sans parler de ce que c'est. Comme un groupe de grindcore. C'est hyper dur. Bah, ça crie beaucoup, les morceaux sont très courts. Tu vois, c'est... Ouais, mais tu découvres. C'est comme le groupe, le fameux groupe du Hellfest, où justement, quoi... je dois emmener mon slip Bob l'éponge, combien de cigarettes je dois emmener, enfin, oui, je sais pas, d'accord. Tu te démerdes quoi, à la route, ah, quoi, t'arrives, et t'arrives, voilà, tu vis ton d'accord, festoche. Mais ça, oui d'accord, mais comment tu parles d'un groupe, ça change pas le principe. Bah tu l'écoutes. Bah voilà, mais et donc bah, après, mais comment toi après t'en parles à quelqu'un, dire, j'aime bien ce groupe. Bah c'est, dire, à la base, il y a black metal, death metal, grindcore, metal. Ça, bah tiens, ouais, j'avais eu ce problème-là. New metal. J'avais eu ce problème-là pour essayer de définir Acme. C'est du metal. Français, ouais, c'est ce que j'avais dit. Choum metal. De quoi ? Non, c'est ce que j'avais dit en fait, c'est du métal français parce que je voyais pas dans quelle case le mettre. Avec ouais. Mes. Donc, je crois que ouais, métal français ça peut être très bien. Comme, Ça me va, moi ça me va. C'est ça, un groupe de musique ? Bah ouais, on fait de la musique. Ouais. Et des fois bah, on met un peu de distorsion parce que le son clair ça nous fait chier. Ouais. D'accord. Donc du coup, tu joues aussi avec Dead Blast. Ouais. Clépanage. C'est de l'intérim. Enfin, je leur ai dit, maintenant je suis plus intérimaire, je suis mercenaire. Carrément, c'est le mercenaire du métal. Ouais, voilà, c'est juste du dépannage. Du moins que ça paye les plaques de bière à Génome. Que dalle. À Richard. C'est. Non, voilà, je m'entends très bien avec eux. C'est une histoire d'amitié. Et, de rencontrer des musiciens comme avec Morzienda. Ouais, j'ai joué dans Morzienda 3 ans. C'était pour voir une autre façon de travailler, côtoyer des musiciens et puis apprendre des morceaux. Parce qu'en fait, dans Génome, c'est pas des musiciens. Non, c'est pas des musiciens. Voilà. D'autres, j'ai pas d'idée, d'autres musiciens. D'autres façons de voir les choses. Du coup, et vraiment, donc t'es vraiment et là en tant que musicien dans Dead Blast et dans Morzienda. Ouais. Où t'avais un peu et plus de... C'est très stimulant d'avoir un répertoire complet à bosser, quoi. T'arrives, t'as 12 chansons, hein. tu sais que c'est... Tu sais qu'il faut bosser les 12 chansons. Et t'as le même statut dans chaque groupe ou... Où t'as vraiment ton groupe à toi, et après, derrière, tu vas... Après, ouais, je dis toujours, Génome, c'est mon bébé, parce que Génome, je fais pas que la batterie. Voilà. Ouais, Génome, c'est... Donc, du coup, Génome, jouer dans les autres groupes, ça te permet d'avoir de l'expérience aussi pour Génome. Et ça permet... Ouais, voilà, ça me fait progresser, ça fait du bien aussi d'avoir un groupe où tu fais que jouer. Ça fait du bien, voilà, t'arrives, tu te poses, tu joues, c'est les gars qui ont composé, puis tu fais ce qu'ils ont envie d'entendre, et puis ça fait du bien aussi. Et en même temps, bah, ça me repousse un peu mes limites physiques. Et technique, et oui, comme je disais, bah, Génome c'est mon bébé. Je fais beaucoup de choses dans Génome, ouais. Je fais pas que la batterie, quoi. T'es la compo, les enregistrements. C'est parce qu'on sait pas faire. la vie du groupe. En quoi, attendant que quelqu'un s'y mette. C'est la vie du groupe, quoi. Prospecter les dates, organiser. C'est beaucoup de choses dans Génome. Organiser des podcasts, c'est ça. Des moments où venir. C'est pas que jouer. Voilà, c'est mais je garde toujours Génome, c'est toujours mon projet principal. Génome reste toujours mon projet principal. Ouais, c'est vrai, par exemple, du coup, tu pourrais pas devenir batteur officiel d'un autre groupe. Ou tu pourrais arriver. Il est déjà officiel dans Génome. Dans Zena, j'étais déjà batteur officiel. C'est pour ça que je te demandais ça, mais dans mon souvenir, t'avais dit que tu quittais le groupe parce que justement, tu pouvais pas laisser Génome de côté, tout ça. Ouais, voilà. D'accord. Non, je me verrais pas arrêter Génome, c'est pas possible. Ça fait trop partie de ma vie depuis 20 ans. Quoi. Ah, mais t'as pas le même statut, c'est ça que je voulais dire. Voilà. T'as pas, voilà. Donc t'es vraiment musicien dans les autres groupes. Ouais, que musicien. Et moi, dans Génome, on lui paye de la bière. Les autres groupes, non. Tout à fait. Si. Et ils me font des bisous tout autant. Mais... Ouais, ça a changé le métal quand même. Ouais, tout à fait. C'est beau. Est-ce qu'il y a des licornes? Non. Non. Ah, j'ai pas vu de licorne. Il faudra des licornes. Hein. C'est la base, non, normalement. Voilà, quand même. Bah, une licorne quand même 2017. Hein. C'est la base. Et donc, du coup, des dates à venir avec Dead Blast? Ouais, 18 novembre, au Portobello, à Caen. Il y a qui d'autre sur l'affiche? Stronghold, je crois que c'est un groupe local. Là. Le 18 novembre. Et Wild, c'est un groupe du Nord. De c'est des sauvages. Ah bon? Ah, sans le mec quand même qui parle en live. 18 novembre, c'est un samedi. Oui. C'est totalement peut-être jouable pour moi. Je préfère dire peut-être. Mais tu irais voir Dead Blast, c'est pas Génome. Mais si, c'est moins loin. C'est beaucoup moins loin. J'ai pas dit non à Génome. Hein. J'ai dit Rouen, je dis c'est loin. Rouen. On va se démerder, Génome. Même venir voir une répète. En même temps, si vous venez au bazar, on sera là. Hein. Tu peux venir nous voir en répète. Hein. Ah bah on pourrait faire ça hein, déjà. Hein, Bob. Samedi. C'est pas faux. Tu vois. Samedi. Je suis on a... assez d'accord. Non, on peut pas venir en répète. Ah non, pas samedi, c'est trop le bordel. Bah, non, tu bosses samedi. Ah, il y a des trucs qu'il veut pas en parler là. Ah, ouais. Ah. Il a toujours des trucs qu'il veut pas dire au micro. Ouais, hein. C'est ça, ouais. La semaine dernière, c'était pareil, il voulait pas balancer que tu. Non, parce qu'après, là, c'est privé. Mais non, non, mais je comprends. Adieu, parce que samedi, je viens, donc... Ah bah non, mais le dis pas, parce que ça sert à rien, on va le dire après, s'il y a besoin, mais... Ouais, non, mais pourquoi pas. Eh, Road to Hellfest, nous, on se déplace, nous. Ouais, carrément. On fait bah, pas... C'est, des... c'est quoi ouais, ton mot de la soirée? Ça pourrait être nouveau, ça, une petite session live dans un... C'est quoi, quoi? Tu l'as dit tout à l'heure, 50 000 fois. On est... C'est pas investigation, c'est... On est... Ah merde, tu l'as dit. Bah oui, on est corporate. Ça doit être ça, je crois. C'est pas ça, je sais plus. On est corpo. Peut-être. Ah, non, c'est pas ça. Je ouais. sais plus. Investi, quoi. Attends, je vais googler. Ah, mais meuf, je sais pas. En même temps, je sais pas quel mot je cherche. Donc... C'est quoi l'idée que je dois dire? Mais je sais pas, t'as un mot là depuis tout à l'heure. Bah c'est corpo, je suis corpo. Ah c'est ça, t'es corpo. Ouais, je suis corpo. Là, bah alors. Bah alors. Ah c'est meuble. Meuble quand même, ça va faire un petit peu. Ça perd l'hypopète. Non, c'est vraiment très fou. Peut-être trouver d'autres groupes. De bonne manière. Ça va pas faire que du géno. Non, non, bah non, complètement pas. On est open à tout le monde en plus. Mais normalement, la semaine prochaine, on reçoit Mastodon, c'est ça? Ah ouais, ouais, bien. Ouais, on prend que des groupes du même niveau, les gars. Ouais. Ouais, ils montent un peu. C'est vrai que ouais, ça, ça va leur faire du bien. Ouais. Ça va leur faire du bien. Ouais. Ils ont besoin qu'on leur fasse. Bah, qu'on parle d'eux un peu. Non, on fait trop l'amalgame en plus avec Mastodon et puis Game of Thrones. J'ai trop l'impression. C'est ça, maintenant qu'ils ont fait jouer dans quelques épisodes. Non, rigole pas, on n'a pas du tout de programme pour la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on n'en parle pas. Ça stresse, à moins que ça stresse. À moins que l'affiche du fest, là, on peut tenir une bonne émission. Non, hein, bah, large. Non, parce qu'il faut savoir que le numéro 2, il n'y avait pas de sujet, on n'avait rien. On est parti genre pendant une heure à rien. Et on a réussi à parler de rien. De rien. Il faut la matière si le fest donne rien. Ah, bah c'est ça. Bah, on a... Mais, oui, en fait, c'est parce que... Bon, on peut tout dire, nous on enregistre, on s'en fout. En fait, on voulait pour cette deuxième saison parler plus de métal justement et pas se contenter du fait. Donc c'est pour ça que ça tombe bien, puisque vous savez, ça reste cohérent avec ce qu'on voulait. Mais on a. Mais à la base, on devait commencer beaucoup plus tôt. Voilà. Parce qu'on devait genre préparer des trucs. Mais dans l'année, genre. Mais ah, parce que j'ai merdé. Voilà. Ah, mais moi pareil. Donc du coup, ça a pas commencé. Et puis on s'est juste dit au bout d'un moment, il faut se lancer, sinon on se lancera jamais. Bon, pour tout dire, Lolo était dépressif parce qu'il buvait. Ah, et je bois toujours. J'ai fait un syndrome de Five Finger Death Punch. C'est ça. Voilà. Je me suis mis dans la description. C'est vrai que c'est parti du podcast. Je suis revenu du podcast. Je suis revenu. Ça pourrait rentrer ouais, en expression populaire. J'ai mon petit syndrome de Five Finger Death Punch. Ouais, j'ai fait un FFF 5D. FDP. Ah ouais, c'est ça. FFF 5DP. Ah ouais, merde. C'est compliqué. Oh, c'est trop long. Tu dis ça à quelqu'un, il va croire que tu l'insultes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait FFF Finger. Quoi? Ouais, t'as un petit Five Finger. Five Finger. C'est cochon. Qu'est-ce que tu veux faire? Super bien. Bon, bah, je crois que du coup, on a fait un peu le tour. Parce que. Qu'est-ce que. Bah, parce qu'on a fait le tour. En plus, c'est vrai, on a quand même dit ce qu'on avait à dire. Et on, a... et on s'est pas privé de dire. Si, l'album de Trivium. Ah! Mais nous merci. Y voilà. Ah, nous y voilà. Alors, je tiens juste à remettre sur la table une phrase qui a été prononcée par Richard jeudi soir à mon encontre. Avec une certaine vélocité. Oui, c'est ce que j'ai venu voir. Il m'a dit, ouais, Trivium, c'est un groupe pour adolescentes. Adolescente, ouais. Mais autant, j'ai dit, ok, là, le mec va loin, quand même. Le mec a décidé. Allez, j'allais encore plus. Allez. Il a été encore plus loin quand il m'a dit, ouais, t'arrives pas à enregistrer le CD, c'est normal. C'est... Et le mec était tout seul, en plus. Hein. Il était tout seul, dans une salle un peu obscure. Ouais. Le mec a pris beaucoup de risques. Ouais. T'as pas dit ce que j'ai dit après. Mais si, il m'a dit, attends, après, il m'a dit, c'est normal que t'aies pas réussi à l'écouter. Notre CD, il est bloqué pour que les gens qui écoutent Trivium ne puissent pas l'écouter derrière. j'ai juste dit, bâtard. Voilà, j'ai pas été bâtard. Donc du coup, vous l'avez écouté. Tu crois qu'il a été vexé quand même? Oui. Non, j'ai pas été vexé. Non, mais même déjà, quand vous avez commencé la semaine dernière, j'ai senti un petit... Quoi? Non, en fait, en vrai... Alors, mais il a pris sur lui. Attends, je vais dire ce que je pense. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer Trivium, parce qu'il y a plein de trucs que tu peux critiquer dans le groupe. Premièrement, le chant du mec en live. Voilà, ça rien que ça, ça suffit à décrire. Même sur l'album. Non, le chant qui foire en live, ça tu peux. En fait, c'est ce qu'il voit qui manque dans sa voix, c'est un petit peu de saturation quand il fait une voix pop. Exactement. C'est pas une voix pop. Autrement, on aura Justin Bieber. Une voix claire. Et toi, le prochain album, il y a autotune, c'est automatique. Mais n'importe quoi. On en parlera. C'est David Brennan qui lui a donné des cours de chant. Chanteur de Disturbed. Justement. Ben, il chante bien, lui, non? Non, mais Je l'ai écouté, hein, pour te faire plaisir, je l'ai écouté. Et ça m'a touché. Je trouve que la voix claire est trop contrôlée. Trop contrôlée, voilà, il a des super envolées lyriques. C'est mieux qu'avant. C'est pas ce que je recherche dans le métal. On sent vraiment la différence entre la voix claire et la voix saturée. D'accord. Il y a pas de on va reprendre les choses. Pour aller chanter dans The Voice ou The Two Kids ou chose. Là tu dis n'importe quoi, là tu trolles. Tu trolles là. Non, attends, reprenons les choses alors. Il est dans la provoque. Ouais, là complètement, le mec est punk. Alors, repartons sur les bases. En fait, forcément qu'on peut pas tous aimer Trivium, mais après je pense qu'on va parler de cet album là et reconnaître les qualités ou les défauts de l'album, pas forcément du groupe, parce qu'en fait à la base c'est le chant clair comme ça que vous aimez pas. Pas forcément que... Je trouve qu'il manque de... Si tu prends le côté musical de l'album, les compos et tout ça... Musicalement, ouais, il est pas mal. La batterie, elle est comment la batterie? La batterie est des boîtes. Ah là, merci, ouais. Non, mais non, la batterie. Justement, au niveau des instruments, ça déboîte vraiment. Voilà, ce qui me dérange, là, il réussit. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Comme je t'ai dit la semaine dernière, c'est Megadeth des années 2000. Oh. Moi, ce qui me dérange avec le batteur. Avec Risk et tout. Le batteur, c'est son premier album. Là, avec eux, ouais, c'est leur nouveau batteur. Il y a des intros de malade à la batterie. De gros death. C'est ça. Et puis, ça se calme tout de suite. Bah, parce que c'est tapissé à mort à la double et ça se calme tout de suite. Ouais, ils ont des gros intros de port. Ouais. Je trouve qu'il n'y a, pas de lien entre les gros passages à donf pour mettre un peu le batteur en valeur et le reste de la chanson. Je trouve que là c'était un peu décousu là-dessus, sur une ou deux chansons, je sais plus. Ça m'a pas marqué. Trivium, c'est tout simple, c'est du Slayer en intro et après c'est du bébé bruit. Oh non, mais. Le mec il se dit, oh, j'ai trouvé. Tu es sur la tête, tu es pareil. Voilà, là tu es fermé. Là tu vas. Non, parce qu'en plus en même temps, je comprends tout à fait qu'on puisse pas kiffer le chant comme ça. Moi ça me pose. Mais musicalement, il est très bien, le batteur est super fort. C'est vrai que comme il dit Etienne, c'est que chaque coup ça commence bien, bien bourrin. Mais je trouve que ça manque un peu de cohérence. Et puis après, ça fait. Moi je trouve que justement, ça fait un truc vachement large, justement. J'ai aimé cette notion qu'ils ont ramené de un petit peu côté def et tout ça, qu'ils avaient perdu. Je trouve ça manque un peu de cohérence. Bah moi j'ai pas trouvé, je trouvais que ça créait justement une espèce pour le coup je suis d'accord. Non, je suis d'accord pour dire que ça crée une espèce de truc un peu mutant parce que ça a plusieurs formes et tu sais pas trop comment le définir. Mais je trouvais pas justement que ça manque de cohérence, je trouve qu'ils ont tenté des choses. Après je l'ai écouté qu'une fois, mais c'est vrai que quand tu connais pas pour ma part, quand tu connais pas plus que ça Trivium, t'es perdu. Là, je peux t'es largué quoi, je veux dire, tu vois, tu sais pas trop ce que t'écoutes parce que ça va dans plein de directions. Un petit peu moi avant et la voix claire pour ma part était beaucoup plus claire avant que maintenant. Donc du coup la différence entre la saturation, enfin la voix beaucoup plus rauque et la voix beaucoup plus claire se fait un peu moins ressentir, donc du coup ça passe un peu mieux pour ma part. Voilà, peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que tu avais écouté les premiers albums? Moi, déjà, je pense les premiers albums, est-ce que j'ai vu sur scène? Parce que les premiers albums, ils n'étaient pas du tout comme ça. Sur scène, j'ai découvert Trivium sur scène, en fait. Ouais. Au Hellfest, justement. À l'époque, et de Vengeance Fall. Je me suis dit, c'est chiant, quoi. Le mec avec sa petite chemise à carreaux, qui... et puis. Mais il faut pas parler du live, parce que le live, c'est pas représentatif. Moi, je l'avais vu au Hellfest en 2014. Ça devait être cette année. En 2013, j'avais bien aimé. Et deux ans après, ils sont tournés au Motocultor. En 2015, c'était à chier. Non, mais ça, je suis. Non, mais attends, après, qu'on aime ou pas en concert. Mais entre deux, il y a eu un album qui a été fait avec le tout début qui commençait à faire de la voix pop. Et là, il a mais non, mais tout l'album, il n'y a pas un seul cri sur cet album-là. Donc, ça, je suis entièrement d'accord qu'on peut ne pas l'aimer. Ça, en fait, le truc est derrière. Juste moi, franchement, quand j'ai écouté l'album, j'ai été tellement agréablement surpris par toutes les nuances qu'il y avait que j'ai vraiment kiffé. Et je me suis fait. Chaque chanson, par chaque chanson, j'ai vraiment fait une chanson par jour. Oui, mais toi, à la base, t'es un fan de Trivium. J'adore, mais je reconnais qu'à un moment donné, ils sont partis plus sur un côté, comme tu dis, je dirais pas pop, parce que c'est... Non, c'est tu les suis quand même. Oui, voilà, donc je suis, donc j'ai vraiment vu l'évolution. Sur les réseaux sociaux, machin, t'arrives à les suivre sur beaucoup de choses. Donc du coup, tu suis ce groupe. Mais je trouve vraiment, justement, que cet album-là, m'a surpris dans le sens, parce que je trouve que si on s'arrête à ses qualités d'album, je trouve vraiment réussi. Après, le dernier album est super bien produit. Hein. Musicalement, ça que tu m'as envoyé. Après, voilà, c'est pas. C'est on donne les côtés négatifs. Ça, je suis entièrement prêt. C'est pas ce qu'on cherche dans le métal. Ça, je comprends. Une voix trop contrôlée, trop Trivium, c'est un groupe de famille. C'est pour le père de famille qui écoutait du Slayer à Donf, bah, et non, puis la petite fille qui écoutait du Non, ça, je suis pas d'accord avec toi. Il en faut pour tout. Je pense pas que tu fasses... Il en faut pour tout. Non, je pense pas que tu fasses Linkin Park Trivium. Il en faut pour tout le monde. Les, oh, je pense les, pas. Les fans c'est du bon vieux trash mélangé avec du Linkin Park. Ouais, enfin, dans ces cas-là. Les fans de progressifs vont adorer une voix super contrôlée, voilà, qui des belles envolées lyriques. C'est ça, ouais, carrément. Moi, c'est pas ce que je recherche. Moi non plus. Ouais. Bah, moi, après, c'est comme quand t'écoutes un truc, tu sais pas pourquoi ça te plaît, tu dis, bah, en fait, j'aime bien, tu vois. Donc, franchement, moi, j'adore l'album. Et... Je pense que vous avez des goûts de chiottes. Ne demande pas, en live, elle est pire qu'en album. Mais ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est un autre point. Là, tu parles, ça, c'est le groupe en lui-même. Et ça, je suis d'accord pour dire qu'en live, il n'y arrive pas. Voilà, mais le mec essaye. J'ai même vu, je me souviens d'avoir vu un concert de Roadrunner United. Ils avaient sorti un album où chacun avait appris des morceaux et ils avaient fait un concert live. Et le chanteur de Trivium reprenait une chanson de Machine Head, et t'as le chanteur qui est sorti des coulisses pour venir la chanter à sa place, tellement ça l'a supporté. C'est vrai que c'était insupportable, et moi ça a été ma grosse déception, parce que j'avais vraiment écouté le groupe sur CD, et j'avais dit putain j'aime bien, et quand j'avais écouté des vidéos sur YouTube, j'ai fait c'est pas possible, donc là je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand j'écoute sur CD, je me dis putain, là cet album-là, je l'ai vraiment surkiffé. Ouais, il est très bien produit. Donc après, je dirais, je comprends le côté manque de cohérence que tu ressens. Mais moi, justement, ça me fait un peu penser à un peu dans l'esprit au dernier album de Metallica, où tu te fais surprendre chaque fois du changement de direction qu'ils peuvent prendre. Waouh, tu t'attends pas à ça. Et c'est un peu ce que ça m'a fait. Bah, un peu Metallica qui font un changement de direction. Non, mais dans le dernier album, tu t'attends pas forcément à ça quand tu l'écoutes. T'as quand même 2-3 chansons vers la fin où tu fais. Je vais pas tout écouter. Musicien, il tourne. À part le batteur, il est un peu. Bah, pour le. Voilà. Pas les mêmes batteurs déjà. Non, mais le batteur de Metallica, il fait toujours la même chose depuis 40 ans. Quoi. C'est vrai. Ouais, mais ça marche. Non, il est controversé. Il s'est jamais remis en question, ce mec-là. Ça, c'est dommage. C'était le musicien le mieux payé de l'année 2017. Hein. Ouais, mais attends, parce qu'en même temps, il est pas que batteur, justement. Oui, il aide à la composition. Il peut faire autre chose à la batterie. Ils sont tellement habitués à bosser. Tu vas se remettre en question. Non, bah... Ouais, je pense qu'il arrive quand même à mettre à sa patte à certains moments, sa patte assez simple, mais... Il y en a qui ont toujours dit que c'était le seul à faire sonner ce que faisait Hetfield. Ouais, bah je pense, ouais. Ouh, une grosse critique quand même. Bah non, c'est parce qu'ils ont tous les deux des gros caractères et que c'est difficile de s'entendre, et que l'un est capable de dire, bah fais ça, et je pense que Metallica, c'est vraiment l'alliance de ces deux-là. Bah, c'est Hetfield qui compose et qui amène les riffs, et c'est Lars qui vient... Il faut se remettre un peu en... Je te parle juste des riffs à la batterie, il faut se remettre un peu en question. Combien de temps qu'il en a fait des différents quand même, il fait des trucs... Tu regardes toutes ces batteries, c'est toujours pareil. Avec beaucoup de caisses claires... Ah, je sais pas, prenons l'exemple, vous êtes deux batteurs, vous. Moi, je suis pas batteur, donc j'ai du mal. Mais je trouve que Lars, quand même, malgré tout, arrive à mettre une certaine personnalité dans chacun des morceaux, je trouve. Bah, de toute façon, simple, assez simple. Je suis pas emballé. C'est vrai qu'il va pas chercher à faire... C'est pas un groupe de death, c'est pas un groupe de... Voilà, c'est un groupe de métal, je sais pas comment tu le qualifies, Metallica. C'est du metal, trash metal. Enfin. Ouais, voilà. Déjà, trash heavy metal. Ils font leur taf, quoi. Enfin, pour ma part, je trouve que Metallica fait leur taf, quoi. Moi, j'ai énormément écouté Metallica, je n'ai écouté que ça, et j'en suis revenu, je me suis mis à écouter autre chose quand même. Parce que mais non, mais ça, c'est pas... À réécouter, tu vois, le jeu de batterie, je suis pas emballé, il joue très bien. Pour Metallica, mais ouais. je suis pas emballé. Non, mais si tu regardes Gojira, ils sont un peu remis en question sur le dernier album. Ils ont voulu faire autre chose. Un peu. Bah ouais, oui. C'est pas spécialement une bonne OSI, je trouve. Mais parce que j'écoute de tout. Moi, ils ont essayé de faire autre chose. Non, moi aussi, j'écoute de tout. Moi, je pense. Bah ouais, mais c'est vrai que j'écoute pas toujours la batterie non plus, quoi. Moi, j'aime. Dans Metallica, voilà, je suis plus emballé par son jeu. Il joue bien dans Metallica, mais je suis pas emballé par son jeu. C'est plus une de mes références, quoi. En tant que batteur. Ouais, en tant que batteur. Ouais, bien sûr. Après, moi encore cet album là m'a mis une petite l'album après, c'est pour ça, quand t'es pas musicien enfin je pense quand t'es pas musicien et que tu aimes la musique voilà, tu vas écouter l'album, tu vas pas faire gaffe à un instrument, enfin moi en tant que batteur je vais écouter la batterie en premier. C'est un réflexe. Après, t'as des groupes où tu le ressens directement quand le batteur. Par exemple, si justement, je reviens là-dessus, mais le dernier album de Trivium, tout le monde a dit waouh, le batteur il est ouf, mais parce que dès que t'écoutes, tu fais waouh. Oui, parce qu'il est mis en avant. C'est comme Gojira, c'est pareil. Bah si, Mario, il est mis en avant. Ouais, mais c'est normal là pour le coup. Mais il y a des groupes où le batteur ressort un peu moins, même, enfin, où t'écoutes un peu moins. C'est pareil. Bah le nouveau, il est un. Enfin, il est non, bon, mais à la base, je veux dire. Joey Jordison, ouais. Ah, je trouve même mieux que Joey Jordison. Je trouve, ouais, je trouve qu'il tape vachement mieux. Je préfère Jerry Weinberg. Je trouve qu'il joue mieux, mais je trouve pas qu'il soit particulièrement mis en avant. Joey Jordison, j'étais pas emballé. Hein. Ah, je... ouais, je... Dans son son, il fait moins bouillon. C'est peut-être la configuration de la partie. C'est cynique, moi, qui me génère un peu dans ce clip-là. Il y avait trop de scènes pour... Mais il était... Voilà. Il était bon, mais... il Très fort, mais trop. Il en met trop. Le clip, je sais plus lequel, où il joue sur la plateforme qui bouge dans tous les sens. Sérieux, les mecs. C'est ce qu'ils ont piqué à Tommy Lee. C'est Tommy Lee qui faisait ça à la base. Ouais, dans le sol, quoi. Donc, non mais d'accord, bon, on est quand même pour dire que ok, le chant clair vous plaît pas, mais ça reste un bon album. Trivium. Oui. Très bien. Musicalement, oui. Ah, musicalement. Voilà, c'est ça que production. Je voulais vous faire dire. Voilà. Merci. Et on a tenu combien de temps avec ça? On se sait rien. Un bon quart d'heure. Non, mais c'était justement pour dire que je comprends qu'on n'aime pas différent. Il y a ce que c'est le chant après. Non, il faut juste dire au chanteur que Dave Mustaine doit sortir de son corps. Je sais pas, franchement, Dave Mustaine, c'est dur parce qu'il est dur à écouter déjà, lui de base. Il y a quand même une voix un peu dégueulasse. Ouais. C'est quand qu'on a vu Megadeth? Enfin, qu'on a entendu Megadeth? Il y a 2 ans. C'était l'année dernière? Non, il y a 2 ans. L'année dernière? Je sais plus quel groupe. Non, l'année dernière. En 2016. Ouais. À la fin, c'était plus possible, quoi. Ah non, ouais, non. Il y a des groupes hein, comme ça, hein. Des fois, ça, tu sens. Et de toute façon, ça commence toujours bien, il y a toujours de la guitare. C'est... Mais pour le coup, regardez, pour le coup, Megadeth, tu sens bien que c'est le groupe de Dave et qu'il n'y a pas d'âme, t'as pas d'âme des autres musiciens. Non. Voilà. Alors contrairement, voilà, c'est... Si, peut-être le bassiste qui emmène un peu son petit truc, mais... Après les autres, c'est le bassiste. Non, parce c'est que pour ça fait aussi que... Moi, franchement, j'ai jamais fait gaffe à une ligne de basse. 25 ans qui joue dedans, 30 ans. Ouais, mais je sens pas l'impression... Enfin, je sens pas qu'il imprègne son truc, quoi. Ça m'a pas marqué. Tiens, petite question, parce que j'aime bien discuter, on en a... As-tu écouté un peu Prophet of Rage? Très bien, donc tu n'auras pas d'avis. Je n'aurai pas d'avis. Tu n'auras pas voilà. C'est con, t'aurais voulu tenir un petit quart d'heure. Non, c'était... J'ai entreaperçu une vidéo du Hellfest. Non, c'était pour... ce que j'aime bien, c'est savoir. Voilà, comme... Vie, ouais, parce que c'est des musiciens que je suis depuis longtemps. Mais justement, ouais, c'est pour ça. Je kiffe. Mais nous aussi. Je kiffais Rage, je kiffais The Slave. Voilà, pareil, on est d'accord. Mais non, et là c'est de la merde, on est d'accord. Je n'ai pas écouté. Merci. je ne donne pas d'avis. Mais si, c'est complètement spontané. Il n'a pas écouté. Il a dit, c'est de la merde, j'ai entendu. Il est là. Je n'ai rien dit. Très bien. Bon bah écoutez messieurs, ça fait 1h26 qu'on est là. Déjà. Je pense qu'on... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Merde. Ouais. Zut. Ouais, Richard. Apéro. Ouais. Ah mais... Bon, j'allais dire clavicule, mais du coup, bon, bah, du coup, je pense qu'on peut arrêter là. Vous avez passé un bon moment, c'était très bien. Ah, bien, c'est très vite. Ouais, moi aussi. Du coup, on va penser à faire agrandir la pièce parce que je pense que. Ah, bah, la prochaine fois, c'est vrai qu'on aura 5 personnes. Ouais, bah, du coup, ça va commencer à. Ça sera 7. Faut que tu changes de baraque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, on change les locaux. Les logos. On déconne. On sera sûrement que. On sera pas 7. On sera pas 7. On n'aura jamais assez de bière. Très bien. Eh bien, écoute. Je pense que si. Ah, on peut avoir assez de bière pour 7. Bah, si on n'invite pas Richard, c'est bon. Ah oui, bah, c'est bon. Faut pas inviter Richard. Alors, bah, en même temps, il amène ses bières. Donc c'est ça qui est bien. Ça conso personnel. C'est très bien. Bon, alors, eh ben, une bonne soirée à tous. Merci. Merci, gentil. Bonsoir. Bonne nuit. Et du coup, bah, je te laisse le mot de la fin. Clavicule. Non, c'est le mien, celui-là. Ah, c'est le tien. Brique. Mais non, l'autre. Smilodon. Ah, je suis. Si. Non, attends, tu veux quoi? Smilodon. Tu veux quoi? On vous emmerde et on vous aime tous. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Bon, bah écoutez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut à tous. Salut. Bisous. Pourquoi vous faites des signes de la main pour dire au revoir? Parce que. Alors, il faut arrêter.